السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله بيكم. Nous sommes le 24 محرم، lundi 24 محرم 1428، c'est-à-dire بإذن الله عز وجل. Nous sommes le 12، lundi le 12 février 2007، بإذن الله عز وجل. Nous sommes toujours avec Sahih al-Jama' de Cheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Et normalement, on devait attendre le repas de la Sunna, mais aujourd'hui, ils sont tardés. Parce que normalement, je commence à 22h. Maintenant, il est 22h30. Ils n'ont pas encore fini. Sinon, ce sera un peu tard pour moi. Ça y est. Je disais que je crois que le dernier hadith où on s'est arrêté, lorsqu'on avait parlé. Là, on révise un peu, on a parlé de Yom Jumu'ah. On avait parlé que Allah subhanahu wa ta'ala enverra les jours, le jour du monde dernier, il va envoyer les jours, samedi, dimanche, lundi, d'une façon normale. Mais il va envoyer le jour du vendredi, plein de lumière, resplendissant. D'ailleurs, c'est écrit ici Zahra. Zahra, elle est pleine de lumière. Je ne sais pas pourquoi la fois passée, j'ai lu Zahra. J'ai dit fleur. Non, j'ai lu Zahra, j'ai pas bien lu. C'est pas Zahra, c'est pas fleur. Et Zahra, comme j'ai dit, c'est-à-dire lumineuse, plein de lumière. Et on avait dit que Tuhda ila Karimia Tuhda Tuhda ilahum Yuhafsawna biha Naam Kal arousi Tuhda ila Karimia Tuhda ilahum Yemchouna fi dhouiha alwanwa kasfulji bayadan Liyahuhum tusta'u kalmisk Yakhudouna fi jibali kafour ينظر إلى مثقلان ما يطلقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. Ça c'est le hadith de la fois passée. Et ensuite on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les 100 ans, tous les siècles, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait qui? Envoyait quelqu'un pour renouveler le din. Et vous remarquez que inshallah ta'ala tous les 100 ans, on voit que il y a des nouveaux ulama, de grands ulama qui apparaissent. Bi-Ibnillahi Azzawajal. Ça c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les 100 ans, Allah Azzawajal enverra quelqu'un pour renouveler le din. Donc ce din, l'islam, ne s'éteindra jamais bi-Ibn Azzawajal. Jusqu'à ce que Allah Azzawajal veuille cette chose à la fin du monde. Sinon, il ne s'éteindra jamais bi-Ibnillahi Azzawajal. Quant au hadith d'aujourd'hui, on va commencer par le 1881, Ibn al-Azawj, le 1881, un hadith sahih, authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullih. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullih. Allah Azawj aime la douceur dans toutes les choses, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les choses. Il aime la douceur de Ibn al-Bari Azawj. شيخ أبو عبد الرحمن حياك الله معنا وحياك الله وبياك نعطيك إن شاء الله تعالى اللاقط حتى تسلم علينا بإذن الله عز وجل نعم نعطيك اللاقط بإذن الله عز وجل حتى تسلم علينا تفضل دعني أولا أنظر أين أنت طيب أين أنت أولا ابن تم أنت بالأخضر أعرفك بالأخضر نعم وبالأزرق صراحة لا أراك في القاعة. نعم لا أراك في القاعة. سبحان الله العظيم. أبو عبد الرحمن أين أنت إن شاء الله؟ أين أنت؟ إني لا أراك، أرى فقط الورود التي تصلني. طيب je disais que Allah subhanahu wa ta'ala aimait la douceur en toute chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a rifqu min shay'in illa shana. Dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il y a la douceur, rifq, le fait d'aller yani, doucement, d'aller avec sagesse, quand il y a ça, il a dit dans une chose elle l'embellit. Non, la douceur embellit la chose. Il a dit si on enlève le rifq, on enlève la douceur, ça devient moche, yani la chose devient moche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi inna allaha yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Tout ça ce sont des hadiths sahih. Allah subhanahu wa ta'ala donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la violence. Et pour que vous soyez sûr que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vrai, vous pouvez l'essayer. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, deux femmes sont, c'est-à-dire par exemple, n'ont pas le djilbab, ni le djilbab ni le hijab, n'ont rien. Va à la première et parle-lui avec quoi? Avec violence. Dis-lui, toi, tu es une perverse. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, Dieu est en colère contre toi. Toi, yani, si tu meurs, c'est l'enfer. Et comme ça. Jamais elle n'acceptera de toi. Non. Jamais elle te dira, je continuerai comme ça. Moi, j'aime pas le djilbab, je suis contre l'islam. Non. Comme a dit Allah Azza wa Jal, خذوا العزة بالإثم. Non. Certaines personnes, quand on leur parle ainsi, on les blesse, ils ne veulent pas te reconnaître. Même si c'est dans son cœur, il reconnaît, il ne veut pas te montrer. Parce que tu l'as blessé. Maintenant, va à une autre personne et parle-lui avec douceur. Tu as fait ma soeur, Allah, je t'aime bien, ou je voudrais seulement te dire que c'est parce que je t'aime que je voudrais te dire cette chose. Non, parce que comme j'aime le bien pour moi, j'aime le bien pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, a dit cela, yani le hadith qui parle du djilbab, yani avec chitma, avec douceur, avec sagesse, nan, même si elle ne va pas le mettre, au moins elle accepte l'idée. Au moins elle accepte l'idée. Nan. Et ça, yani, comme je l'ai dit, vous pouvez le tester, vous pouvez le tester dans votre vie quotidienne. Quand tu parles avec des gens, avec chikma et sagesse, Inch'Allah ta'ala, la plupart du temps, ça donne le fruit. Quand tu parles avec violence, les gens n'acceptent pas. Non, les gens n'acceptent pas. Allah ta'ala a dit, Lesta alayhim bi jabbar. Non, il n'est pas quelqu'un de jabbar, toi, qui commande les gens et qui va imposer. Tu imposes. Non. Mais, comme a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mais tu as un comportement, un sublime, Masha'Allah. Allez. Et quelqu'un est venu une fois à quelqu'un pour lui faire un rappel. Il a commencé à lever la voix et à s'énerver. Ensuite, l'autre il a arrêté. Il lui a dit Yahada, écoute, taqillah. Il lui a dit Yahada, doucement. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé quelqu'un qui est mieux que toi à quelqu'un qui est plus pervers que moi, ou le plus tyran que moi. Il lui a dit, yani, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Il lui a dit de parler avec douceur, avec sagesse. Il lui a dit, Allah Ta'ala a envoyé celui qui est mieux que toi. C'est Moussa et Haroun. À quelqu'un qui est mieux, qui est plus tyran que moi. À qui? À Pharaon, au Pharaon. Il lui a dit de lui parler avec chikma, avec sagesse. Subhanallah, taqillah. Je dis, taqillah. Naam. Donc, c'est pour ça que derrière le munkar, quand on veut changer un mal, derrière le munkar, on voit quelque chose de mal ou là, et on veut faire un rappel, on veut prêcher l'islam et commander le bien et condamner le blâmable, il faut des conditions. L'une des principales conditions, et de faire cela avec douceur, avec hikma, avec sagesse, et de ne pas imposer, de ne pas imposer, car les gens de nature aiment, yani, et acceptent des personnes envers lesquelles elles sentent que ces personnes leur veulent du bien. Moi, quand il y a quelqu'un, je sens de lui, je sens, d'après la façon de me parler, je sens de lui qu'il me veut du bien, j'accepte. Tout ce qu'il me dit, je l'accepte. Tant que je sens qu'il me veut du bien, cette personne. Mais si je sens que cette personne veut se montrer, yani, qu'elle a plus de science que moi, ou là qu'elle est plus pieuse que moi, ou là que je ne vaux rien, je suis une mouche devant elle, je n'accepte pas. Non, ni moi, ni personne n'accepte. C'est comme ça que l'âme a été créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, le 1884, il a dit « Inna Allah yuhibbu al-utasa wa yikrahu al-tasa'ub. Inna Allah yuhibbu al-utasa wa yikrahu al-tasa'ub. » Allah subhanahu wa ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. Non, quand quelqu'un bâille. Allah subhanahu wa ta'ala déteste ceci. Mais il aime quoi? Mais il aime l'éternuement, quand quelqu'un éternue. Peut-être quelqu'un va dire pourquoi? Yani, quelle est la différence? La différence est claire. Premièrement, quand on éternue, on dit Alhamdulillah. Ça. Deuxièmement, quand on éternue, ça nous rend nashat. Yani, on devient plus vif, plus vivant. Mais quand on baille, c'est que yani, on veut dormir, on est fatigué. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui est vivant, celui qui veut faire des actions, celui qui veut, plus que celui qui veut dormir. Plus que celui qui veut dormir. Ce n'est pas interdit de dormir, bien sûr. Mais, yani, quelqu'un qui, par exemple, va faire la prière, c'est mieux que quelqu'un qui va dormir des heures comme ça en plus. Yani, des heures où il devait se lever, il va dormir. Naam. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, si quelqu'un de vous éternue, فَحَمِدَ اللَّهِ Ensuite, il dit الحمد لله كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَوْ يَحَمُكَ اللَّهِ Il est alors du devoir de quiconque qui l'a entendu de lui dire يَحَمُكَ اللَّهِ Là, il y a quelque chose à dire. Premièrement, en ce qui concerne l'éternuement, je connais trois sortes, yani, qui sont toutes les trois basées sur des hadiths authentifiés par Cheikh Al-Albani. Quand on éternue, ou on dit, ou bien, Alhamdulillah, ou bien, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ou bien, Alhamdulillah, ala kulli hal. Je ne connais, pardon, il y a un quatrième, ça, Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakin, il est un peu long. Comme l'a dit quelqu'un quand il était en pleine prière. À part ces quatre, il ne faut ni ajouter ni retrancher. On ne peut pas dire, par exemple, Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, on ne peut pas. On ne peut pas ajouter des choses. On dit Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal, ou bien Alhamdulillah hamdan kathiran, tayyiban, mubarakin, kama yuhibbu rabbuna yarda. Le hadith. طيب. Il a dit, si quelqu'un éternue et dit Alhamdulillah, ou bien l'une des quatre choses que je viens de dire, des quatre sortes, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il est du devoir. Qu'est-ce que ça veut dire, il est du devoir? Ça veut dire, si tu ne le fais pas, tu as un péché. Il est du devoir de chacun qui l'a entendu de lui dire Yalhamukallah. Naam. Certains croient que si quelqu'un dit Yalhamukallah, ça suffit. Non. Ça, c'est dans le salam. Dans le salam. Quand quelqu'un rentre, il dit salam alaikum, on n'est pas obligé que nous tous on va rendre. Là, une seule personne lui dit wa alaikum salam wa rahmatullah, ça suffit. Et nous, on a tous des hasanat, yani, pardon, soit on a tous des hasanat. Nous, inshallah ta'ala, tous on sort du péché parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à notre place. Mais dans le cas ici de l'éternuement, il faut que chaque personne qui l'a entendu lui réponde. S'il y a 50 personnes, une personne éternue devant 50 personnes, et les 50 l'ont entendu, les 50 doivent lui dire Yarhamukallah. Naam, comme a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamu. Des fois, quelqu'un éternue, il est assez loin de nous, on ne sait pas s'il a dit Alhamdulillah ou il n'a pas dit. Ou bien, des fois, il éternue et il dit des choses, je ne sais pas ce qu'il dit, n'importe quoi. Il y en a qui éternuent, qui disent, par exemple, Allahumma salli ala rasulillah. Il y en a qui éternuent, qui disent Allahu Akbar. Ils disent n'importe quoi. Non. N'importe quoi, qui n'est pas de la sunna. Quand on n'a pas entendu quelqu'un, ou là on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il a dit, ou là on n'est pas sûr ce qu'il a dit, on fait comme le dit Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala. Le hadith, il est dans le Fath al-Bari, sur Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il disait? Quand il entendait quelqu'un, il ne sait pas s'il a dit, lui a dit, il lui disait, Yarhamuk Allah in Hamid. Très simple. Yarhamuk Allah in Hamid. Yani, Yarhamuk Allah, dans le cas où tu as dit. Ça veut dire, si tu as dit, Yarhamuk Allah, si tu n'as pas dit, ça ne s'applique pas sur toi. Non. Parce que moi, je ne sais pas si tu as dit ou tu n'as pas dit, et je t'ai vu bouger les lèvres, j'ai entendu un son, je n'ai pas bien compris. Donc, Yarhamuk Allah, si tu as dit. Non. Ça, c'est une. Masha'Allah, c'est une. Ils ont une ruse religieuse. Les ruses, il y en a qui sont haram, il y en a qui sont halal. Naam. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait de bâiller, quant au fait de bâiller, fa innama huwa min shaytan. Naam. Il est du shaytan. Naam. Le shaytan, il fait beaucoup de choses et il aime certaines choses. Qu'est-ce qu'il aime aussi? Il aime le fait de bâiller. Et même déjà, c'est lui qui pousse les gens à bâiller. Non, même c'est lui déjà qui pousse les gens à bâiller. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de bâiller, il est du shaitan. Le prophète alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un veut bâiller, qu'il rende. Il essaye de rendre le bâillement au maximum pour ne pas le faire. S'il peut, hein? S'il peut, il essaye dès le début de bloquer pour ne pas le faire. Non, s'il peut. Pourquoi? Il a dit car, lorsque l'un de vous dit ah, c'est-à-dire des fois il fait avec un son. Vous savez, quand on bâille, la plupart du temps on fait avec un certain son, comme ça. Oh, comme ça. Il a dit quand quelqu'un fait ah, le shaitan commence à rire. Le shaitan là-bas, il va prendre ce, yani, il va mettre ses mains sur son ventre et il va commencer à rire, il va mourir de rire. Non. Donc, nous, le shaitan, c'est qui pour nous? C'est l'ennemi numéro un. Le shaitan, alakum aduun, tachidu adua. Comme ça dit le Coran. Il a dit, le shaitan, c'est. Le shaitan, alakum adu, le shaitan est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme ennemi. Et moi, je n'aimerais pas que mon ennemi rit de moi. Non. Moi, mon ennemi, j'aime le faire pleurer, non pas le faire rire. Donc c'est pour ça que j'essaie au maximum de ne pas bâiller. Si je bâille, j'essaie au maximum de quoi? De ne pas faire le son hadak. Et j'essaie au maximum de mettre ma main devant ma bouche. Car dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu ne mets pas ta main devant ta bouche et tu bâilles comme ça, il a dit, il va rentrer dans ta bouche. Le shaitan, subhanallah, le shaitan, il est trop lourd. Et en parlant du passé, il a dit il est trop lourd faire. Donc, il faut au maximum, comme j'ai dit, ne pas bâiller, de mettre la main. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta ruhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1886, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala aime, comprenne de ses permissions, comme il déteste qu'on fasse ses yani, désobéissances ou là, ses péchés. Non, l'Azawil a des choses qui sont haram. Non, a des choses qui sont haram. Et il a des choses dont il a permis beaucoup de choses. L'Azawil aime quand tu prends avec ses permissions. Comme il déteste que tu fasses la chose qui est haram. Donc, maintenant vous comprendrez que, et vous savez que beaucoup de gens, mal SF, c'est désolant, Allah Moustahan, n'aiment pas les permissions. Tu lui dis par exemple, tu es malade, et le tayammum. Il se dit non, j'ai peur que ma salat ne soit pas acceptée. Je ne fais pas le tayammum. Tu lui dis, tu es en voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais dans sa vie, dans un voyage, jamais il n'a continué sa salat. Il a toujours fait yani, courte. Il a toujours raccourci. le dhuhr 4, le asr 4, le isha 4. Pourquoi? Pardon. Non, le dhuhr 4, il le fait 2. L'asr 4, il le fait 2. L'isha 4, il fait 2. Pourquoi tu fais 4, 4, 4 en voyage? Je te dis, j'ai peur que ça ne soit pas accepté. Et comme ça, ils ne prennent pas les permissions que Allah subhanahu wa ta'ala a données. Et quand quelqu'un te donne une permission, tu ne veux pas la prendre, ça veut dire que c'est comme si on est vaniteux. Non, ou bien on est orgueilleux. Moi, je n'aime pas la permission. Je ne l'aime pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Et en plus, il veut et il aime que tu la prennes. Subhanallah al-Azim. Il aime que tu la prennes. D'ailleurs, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose. Non, si je n'ai pas oublié, une de ses épouses a dit à quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et allait faire la prière. Ou bien embrasser pendant le ramadan, ou quelque chose comme ça. L'autre, il a dit, non, ya Rasulallah, ça c'est pour toi parce que tu es un prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Et il est monté sur le minbar. Il a dit, ma balu aqwam, et un zahoun an kaza. Ma balu, quand ils, je leur dis que cette chose se fait, et eux, ils ne veulent pas. Ils disent, non, ça ne se fait pas. Je ne prends pas de la permission. Il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, donc on est certains qui, par exemple, ils n'aiment pas le tayammum. Ils disent, non, je n'aime pas appliquer cette permission. Alors que Allah Ta'ala aime les permissions comme il déteste les désobéissances. Et en contrepartie, non, et des permissions, par exemple des permissions, c'est d'essuyer par exemple sur les chaussettes. D'essuyer sur les chaussettes. Quand quelqu'un, le matin par exemple, il fait les ablutions normales, ensuite il rentre ses pieds dans les chaussettes, après avoir fait les ablutions, après avoir lavé les pieds, il peut pendant 24 heures, à partir du moment où il va essuyer la première fois, il peut pendant 24 heures seulement essuyer les pieds, ne pas laver les pieds, seulement les essuyer au-dessus des chaussettes. Beaucoup de gens n'aiment pas cette permission. Beaucoup de gens, même s'il fait froid, il y a la neige, il te dit j'enlève les chaussettes et je me lave les pieds. Subhanallah al-Azim. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a légiféré cette chose? Pourquoi le prophète Hassan l'a légiféré? D'ailleurs, c'est l'un des signes qui montre que tu es sunni, tu es salafi, et un deuxième signe, c'est l'un des signes qui montre que tu n'es pas un chiite. Les chiites n'acceptent jamais cette permission. Ils te disent tout, sauf essuyer sur les chaussettes. C'est pour ça que Ahl Sunnah wa Jama'a, pour contrarier les chiites et montrer que nous ne sommes pas d'eux, ils ne sont pas de nous, et on est désavoués d'eux, ils ont rentré le fait d'essuyer sur les chaussettes, qui a rapport avec le fiqh, pas avec la aqida, ils l'ont mise dans la aqida, subhanallah al-azim. Quand tu vas lire les livres de aqida, le tawhid, kada, tu vas arriver que, et Ahl al-Sunnah essuie sur les chaussettes, mashallah. Pour dire quoi? Pour dire que Ahl al-Bid'a n'essuie pas, et n'aime pas essuyer, et il nie, il dit ça n'existe pas, ça se fait pas, subhanallah al-azim. Et pourtant les chiites font le contraire. Quand ils font les ablutions, au lieu de laver les pieds, ils essuient les pieds. Ils essuient pas sur les chaussettes, ils essuient les pieds directement. Alors que les pieds, il faut les laver, il ne faut pas essuyer. On essuie quand on a des chaussettes, et pas on essuie direct les pieds comme ça. Subhanallah al-Azim, ce que Allah Ta'ala a dit de faire, ils ne le font pas. Et ce qu'il a dit de ne pas faire, ils le font. Allah subhanahu wa ta'ala al-Musta'an. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah. En contrepartie, dans les deux extrêmes, il y a des gens qui, du matin au soir, ils ne prennent que des permissions. Ils ne connaissent pas, ils ne font pas ce que Allah Azza wa Jal, l'obligation. Ils font seulement les permissions. Juste, je dis bien, juste un petit rhume. Il n'a rien, hop, c'est le tayammum. Non. Il a janaba, il a juste un petit rhume. Il peut faire le rost, il ne le fait pas. Ah, il te dit, je suis malade. Il y a le tayammum, alhamdoulilah. Et il fait le tayammum, peut-être une semaine, juste pour un petit rhume. Et Allah Ta'ala sait qu'il n'est pas vraiment malade. S'il était malade, il y a des gens qui, un petit rhume peut les faire couler. Ils sont malades, ils ont le diabète, je ne sais pas ce qu'ils ont, Allah l'afia, juste un rhume et ils sont malades. Je ne parle pas de ces gens. Je parle des gens qui sont normaux, comme moi, comme toi, comme tout le monde, et qui, le rhume ne peut rien lui faire s'il a un petit rhume. Et celui-là, il va faire le taïmou. Non. Ceux-là aussi, yani, on fait quoi? On fait le contraire. Et le contraire. Les premiers n'aiment pas les permissions et ceux-là, ils exagèrent dans la permission. Ils exagèrent et ils la font là où il ne faut pas. Ils la font là où il ne faut pas. Et d'abord, je voudrais vérifier s'il y a le son. Je voudrais vérifier s'il y a le son. Afon. Non. أحسن الله إليك أحسن الله إليك الحديث نعم دون الحديث جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دون الحديث suivant دون الحديث suivant نعم ceux qui m'ont dit on surveille la salle بارك الله فيكم je le rappelle que de mettre partout c'est écrit sitting il faut et il coche sur Message me in the text as people join on that. C'est très important comme ça. Tu n'es pas obligé de voir la liste. Tu regardes seulement l'écran en face de toi. À chaque nom qui rentre, il est affiché. Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est fait. Jazakumullah khair. Naam. Pour ne pas, Inch'Allah ta'ala, vous fatiguer. Tayyib. Dans le prochain hadith, le 1901. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ta'ala yaghar wa anna al-mu'mina yaghar wa ghayratullahi an ya'ti al-mu'minu mahram Allah alayhi. Hadith sahih. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ta'ala yaghar. Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux, yaghar. Regardez, la jalousie est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un, s'il ne connaissait pas ce hadith, pouvait décrire Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est jaloux? Impossible. Pour savoir que quoi? Que les attributs et les noms, on ne peut connaître que de par le Coran et de par le hadith sahih. On ne peut pas connaître comme ça de sa tête. Moi, s'il n'y avait pas ce hadith, tu me disais Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux, je te dis c'est impossible. Ah, Allah ne peut pas être jaloux, c'est impossible. Et bien le hadith dit oui, Allah ta'ala est jaloux. Mais quelle jalousie? D'abord, vous savez que Allah ne ressemble à aucune créature et qu'aucune créature ne ressemble à lui. Il est cet ami cliché. Et si on dit Allah Ta'ala est jaloux, ça veut dire une jalousie qui lui convient. Comme il a un visage qui lui convient, des yeux qui lui conviennent, des mains qui lui conviennent, deux pieds qui lui conviennent. Il a une descente qui lui convient. Ça, vous connaissez, on en a beaucoup parlé dans la Aqida. Maintenant, c'est quoi la jalousie de Allah? Le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux et le croyant est jaloux, les deux. Wa ghayratullah, et la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, an yati al-mu'minu maharram Allah alayhi. La jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le croyant fasse ce que Allah ta'ala lui a interdit. C'est-à-dire, lorsque le croyant fait un péché, Allah ta'ala devient jaloux. Voilà la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus, je dis, plus quelqu'un a du ilm et de la science et de la piété, mashallah, et il fait les péchés, plus la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande. Non, pourquoi? Parce que normalement, plus on a de la science, moins on fait de péchés. Et plus on a de piété, moins on fait de péchés. Qu'est-ce qui fait les péchés? C'est les péchés de jahl, celui qui suit ses passions, celui qui ne connaît rien dans le din. Celui qui il est le serviteur de ses passions, celui-là il fait des péchés. Mais celui-là, mashallah, il a l'ilm, il a la piété, c'est un savant, c'est ceci. Celui-là, s'il fait des péchés, c'est un peu grave pour lui. Naam. C'est pour ça qu'il est dit, j'ai lu dans certains livres qu'ils ont dit que, il n'y a pas un hadith, mais ils ont dit ceci. Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonnera à 70 ou à 100 personnes qui ne savent pas le jour du jugement dernier, avant de pardonner à une personne qui sait. Naam. Pardon, il y a 100 personnes qui ne savent pas et une seule personne qui sait. Pourquoi? Parce que quand tu sais, c'est grave. Ce n'est pas comme celui qui ne sait pas. Il peut être excusé, il va dire, Allah, je ne savais pas. Allah, je croyais ceci. Quelqu'un qui a le ilm, etc. Et désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala devient plus grande. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah ta'ala, dans le hadith 1911, Inna Allah ta'ala yaqulu li ahli jannah. Allah azza wa jil dira aux gens qui seront au paradis. Allah azza wa jil dira aux gens qui seront, bi idhnillah ta'ala, au paradis. Qu'est-ce qu'il va leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala? Afwan. Il leur dira, Ya ahl al-jannah, ô gens du paradis, ô vous qui êtes au paradis. Fayaqulun labbayk rabbana wa sa'dik. Ils vont dire labbayk ya Allah, yani nous obéissons, n'am, yani labbayk, nous avons entendu, yani qu'est-ce qu'on doit faire ya Allah subhanahu wa ta'ala. Il dira wal khayru fi yadik, et le bien est entre tes mains. Fayaqul azza wa jalla, azza wa jalla lui dira alors, hal radaytum? Est-ce que vous êtes ravi? Raditum, vous êtes ravi, vous êtes yani mashallah, ça vous plaît, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Fayaqulun wa ma lana la narda wa qad ataytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Et pourquoi ils vont répondre? Et pourquoi ne serait-on pas ravi? Et pourquoi ne serait-on pas ravi alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune créature? Naam. Est-ce que Allah Ta'ala a déjà donné le paradis à quelqu'un? Subhanallah al-Azim. Qui nous a donné le paradis, yani, on ne voit pas pourquoi, et on n'a pas d'excuse pour qu'on ne soit pas ravi. On n'a pas d'excuse pour qu'on ne soit pas ravi. Fayaqul Allah Azza wa Jal, Ala u'atikum afdal min dalik. Est-ce que vous voudrez que je vous donne mieux que cela? Est-ce que vous voudrez que je vous donne mieux que cela? Fayaquluna ya rabbu ayu shay'in afdal min dhalik. Alors ils diront, ya Allah, et qu'est-ce qui est mieux que cela? Yani, il y a mieux que le paradis? C'est-à-dire, entre parenthèses, on croyait que le paradis, c'était le summum, c'était yani, le maximum de, yani, des délices. Est-ce qu'il y a mieux que cela? Subhanallah, ils ne savent pas qu'il y a mieux que cela. Vous savez qu'est-ce qui est mieux que cela? Qu'est-ce qui est mieux que le paradis? فيقول الله عز وجل نعم يعني يامير سيكوا الى دي احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا نعم الى دي je vais vous agréer, je vais vous agréer et vous donner mon ravissement afin que vous n'encouriez jamais ma colère et mon courroux. نعم regardez, imaginez que quelqu'un vous invite, masha Allah, vous êtes mashallah chez quelqu'un, il vous donne tout, il vous sert à manger, à boire, etc. Il vous invite, il vous dit restez chez moi une semaine, 15 jours, un mois, mais il se peut qu'un jour il se passe quelque chose et il vous expulse. Naam, c'est possible, moi je ne sais pas, il va s'énerver, on va lui dire quelque chose de moi, je ne sais pas quoi, il va s'énerver et il peut m'expulser même. Naam, il peut m'expulser. Mais maintenant, quand on est au paradis, il y a mieux que cela. C'est quoi? C'est bien, vous savez qu'au paradis, il n'y a pas mieux que quoi? Que regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on le verra inshallah ta'ala dans un dars, quand ça va arriver dans la aqidah. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala dira aux gens du paradis, je vais vous agréer. Jamais, yani, je ne serai en colère contre vous. C'est pour bien dire que vous serez vraiment, vraiment, éternellement, éternellement, éternellement dans ce paradis. Il ne faut pas que vous doutiez un instant qu'il viendra un jour où je vais me courroucer contre vous et je peux, c'est-à-dire peut-être vous sortir du paradis. Pour cela, c'est vraiment le grand, grand, plus grand délice pour eux avant, quoi, avant de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1912, dans le hadith 1912 a dit, Inna Allah ta'ala yaqulu li ahwani ahli al-ardi adaban. Allah subhanahu wa ta'ala va dire le jour du jugement dernier, à celui qui avait ou qui aura le moins de supplice. Non, le moins. On ne va pas parler de celui qui va être yani, châtié à un point, au plus haut point. On va parler du plus petit degré. Allah Azza wa Jalla va lui dire. لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تشتدي به الله تعالى lui demandera bien sûr الله تعالى quand il demande il connaît la réponse نعم il veut يقيم عليه الحجة il veut يقيم عليه الحجة الله تعالى lui dira si tu avais si tu possédais toute par exemple la terre si tu possédais tout ce qu'il y avait sur la terre est-ce que tu serais prêt à le donner aujourd'hui pour يعني sortir de ce châtiment pour sortir de cet enfer est-ce que tu l'aurais donné l'autre dira na'am bien sûr ya Allah comment je ne donnerai pas l'enfer c'est pas l'enfer c'est insupportable et il parle de qui il parle de celui qui sera châtié le moins alors qu'en est-il s'il va parler yani, à celui qui sera châtié le plus na'am l'autre dira na'am ya Allah yani, je donnerai tout l'or pour l'or de la terre si je l'avais je le donnerai aujourd'hui pour être libéré de ce châtiment de cet horrible châtiment non, de ce grand châtiment qui n'a pas de pareil Allah Azza wa Jalla lui dira قَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيَ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ Allah Azza wa Jalla lui dire je t'ai demandé beaucoup moins de cela beaucoup moins que cela je ne t'ai pas demandé que tu me donnes de l'or ni l'argent ni tout ce qu'il y a sur la terre dans ce bas monde je t'ai seulement demandé alors que tu étais dans le dos de Adam a.s. en son dos je t'avais demandé de m'adorer sans faire le shirk c'est tout c'est pas quelque chose de difficile tu ne fais pas le shirk c'est tout tu ne fais pas l'association ah, tu restes un adorateur hanif Non, un monothéisme. Mais tu n'as voulu que le polythéisme. Non, tu n'as voulu que l'association et le shirk. Moi, je ne te demande pas aujourd'hui l'argent là. Je t'ai demandé quelque chose de plus simple. Ça n'a pas besoin d'argent. Il ne faut pas être riche si c'était seulement question d'argent. Alors tout le monde, pardon, tous les riches iront au paradis. Celui qui n'a pas d'argent, miskin. Il va rester devant la porte du paradis, il ne peut pas rentrer. Non. Et si c'était question d'argent, tous les riches, le jour du monde dernier, vont donner de l'argent pour ne pas rentrer en enfer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a les armoires de la terre et des cieux et ce qu'il y a entre eux. Non. Allah n'a pas besoin d'argent. Allah huwa ar-razzaq bil quwwati al-matin. Allah ta'ala voudrait que tu l'adores et que tu ne sois pas, tu ne fasses pas l'association. C'est tout. Et c'est quelque chose de facile pour ceux que Allah Ta'ala leur a facilité la chose. Non, c'est quelque chose de facile pour ceux que Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a facilité la chose. Et vous savez tous que quiconque meurt après avoir fait le shirk et sans avoir fait la tauba, c'est vraiment grave pour lui. Car Allah Ta'ala pardonne tout sauf le shirk. Tout ce que tu fais, Allah Ta'ala le pardonne s'il veut. S'il veut, il le pardonne. Sauf le shirk, il ne le pardonne pas. Sauf le shirk. Naam. Et quand tu fais, tu es croyant. Et tu fais tout. Sauf le shirk, bien sûr. Tu fais tout. Sauf le shirk. Et il y a 4 ou 5 choses qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Par exemple, comme tu es un prophète, ou la piétiner le Coran. Ou la... Naam. Je disais que quand on est croyant, on n'a pas annulé. On n'a pas annulé sa croyance. Sa shahada, on ne l'a pas annulé. Alhamdulillah, au moins on est sûr, bi-idhnillah, qu'on va aller au paradis. Même si on doit passer par l'enfer. Mais au moins tu es sûr que, Inch'Allah ta'ala, ta fin sera au paradis. Et quand quelqu'un meurt avec le shirk, il a quoi? Il a perdu le paradis. C'est ça le grand problème. Il a perdu le paradis. Ensuite, Allah, le prophète a dit dans le hadith 1914, il a dit, c'est un hadith authentique, il a dit, إن الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى دي quand le prophète عليه الصلاة والسلام dit que الله a dit ça s'appelle un hadith قدسي نعم quand le prophète عليه الصلاة والسلام dit que الله تعالى a dit ça veut dire quoi ça veut dire c'est un hadith قدسي Est-ce que le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah et le sens du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est la parole d'Allah et le sens d'Allah aussi, ou est-ce que c'est la parole du prophète et le sens du prophète, ou est-ce que c'est la parole du prophète et le sens aussi du prophète. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen a écrit 4 ou 5 pages pour montrer la différence entre ces deux choses et a dit à la fin, et si, François il a dit, et si on disait que le hadith Qudsi, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit, ça aurait été suffisant. Ça aurait été suffisant, naam, pour ne pas rentrer dans le tanaqqa. Tanaqqa, naam. Laisse cette personne, inshallah. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si on disait le hadith Qudsi, c'est quoi? C'est ce qu'a dit Allah, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit. Naam. C'est ce qu'a dit, que Allah a dit, ça aurait été mieux. Pour ne pas entrer dans les divergences, etc. Ça y est, qu'a dit Allah Ta'ala qu'a dit le prophète dans ce hadith? Il a dit, Allah Ta'ala a dit, et plutôt Allah Ta'ala dit, Yabna Adam, fils de Adam, ou là, serviteur, Yabna Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghinan, tafarrag. Yani, disons, libère-toi, les ibadati, pour mon adoration. Yani, désoccupe-toi, ne te laisse pas occuper par autre chose. Désoccupe-toi, laisse-toi libre, pourquoi? Pour mon adoration. Qu'est-ce que je te fais alors? Amla sadraka rinan. Alors, je remplirai ta poitrine de richesse. Naam. Tafarrag li ibadati, amla sadraka rinan. Libère-toi. Donne le maximum pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour le dinar et l'euro. Naam. Pas pour le dinar et l'euro, et l'euro et le dollar. Mais essaye de passer ta grande majeure partie du temps pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je remplirai ta poitrine de richesses. Premièrement, les richesses de l'iman, les richesses de la foi, la douceur de l'iman, halawat l'iman. Allah ta'ala est ravi de quelqu'un, il lui ouvre sa poitrine. Naam. Il lui ouvre sa poitrine. Comme il a dit dans le Coran, من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Quiconque veut Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide, il lui ouvre sa poitrine pour l'islam. Naam. C'est dans le Coran. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Et qui ورش حرجا كأنما يصعد في السماء. Et quiconque Allah ta'ala veut l'égarer, il lui serre sa poitrine. C'est comme si, il a dit dans le Coran, c'est comme si il montait vers le ciel. Naam. Plus tu montes vers le ciel, plus il te faut l'oxygène. Tu sens que tu veux étouffer. Donc, subhanallah ta'ala, la grande ni'ma, quand quelqu'un se libère pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Puis, plus on libère pour l'adoration, on se libère, plus cette chose descend dans le cœur. Plus on se sent, mashallah ta'ala, on sent sa poitrine qui est large, comme un immeuble, mashallah ta'ala. Large. Et ensuite, il descend aussi la richesse matérielle, les dollars, etc. Il te la descend d'une autre façon dans ton cœur. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire que tu te sens riche sans que tu le sois. Naam, tu deviens, ça ne te dit pas grand-chose de courir derrière la vie. Naam, tu veux travailler comme tout le monde pour manger et boire, avoir ta voiture comme tout le monde. Mais ce n'est pas courir du matin au soir derrière l'argent. Courir derrière du matin au soir. Je sors de ma maison, il fait nuit, je reviens le soir, il fait nuit. Je n'ai pas fait ma salat à l'heure. Naam. J'étais dans le haram. J'ai passé ma journée dans le haram. J'ai vu le haram. J'ai dit le haram. C'est quoi cette vie? Ça, c'est une vie, pardon du mot que je vais dire, c'est une vie de chien. Naam. Ça s'appelle une vie de chien. Naam. Ne pas passer la journée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour de perdu. Naam. C'est un jour triste. C'est le jour de quelqu'un qui est malheureux. Naam. Allah Ta'ala a dit, si tu te vides, tu te libères pour mon adoration, je vais te descendre dans ton cœur la richesse. Toutes les richesses imaginables. Je te les fais descendre dans le cœur. Et ensuite, il a dit, wa asudda faqrak. Et, subhanallah al-azim, asudda faqrak. C'est difficile à dire en français, c'est-à-dire que je. Vous voyez, quand on a un trou, on le bouche. On a un trou, on le bouche. La Ta'ala, il a dit, en ce sens, je bouche ta pauvreté. Et tu ne seras plus pauvre. Tu ne seras plus pauvre. Naam. Tu as fait quoi? Tu as fait seulement, tu t'es, yani, tu t'es vidé pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Il va descendre la richesse dans ton cœur. Et en même temps, il va combler ta pauvreté. Naam. Tu ne seras plus pauvre, bidna ta'ala. Et vous le remarquez, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait des palais avec des piscines? Est-ce qu'il avait de l'or? Il avait de l'or caché dans la maison ou de l'or dans les banques? Comment qu'il s'habillait? Tout cela, il n'avait pas. Non. Et des rois, les rois en son temps, avaient la moitié de la terre. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus heureux. Et eux étaient les plus malheureux avec tout ce qu'ils avaient. Naam, subhanallah al-azim. C'est l'iman quand il est dans le cœur. La foi quand elle est ancrée dans le cœur et que les lumières commencent à descendre. Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Naam, sakina quand elle descend dans le cœur. Tu n'as que un morceau de pain et un peu de lait. Et tu te sens le plus heureux sur terre. Et lorsqu'il y a tout l'argent du monde, ils se sentent le plus malheureux. Et il veut se suicider, et il se suicide. Il prend des crachets ou là, il se jette de l'immeuble, je ne sais pas ce qu'il fait. Et quand on va dans son compte en banque, on trouve qu'il était un milliardaire. Et celui-là qui n'a qu'un morceau de pain et du lait, il ne se suicide pas. Et en plus, il est très heureux, toujours en train de sourire. Subhanallah al-Azim, tu n'as rien, toi. Je n'ai rien, mais j'ai quelque chose dans le cœur que vous n'avez pas, vous. Non, c'est comme disait le Salaf. Les Salaf, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous dites, Wallah, si les rois et leurs enfants, les princes, savaient ce qu'on a dans le cœur, Wallah, qu'ils nous auraient fouettés. Ils auraient fouettés pour nous prendre ce qu'on a dans le cœur. Mais Alhamdoulilah, c'est quelque chose qui ne se voit pas et qu'on ne peut pas enlever. Alhamdoulilah. Naam. Ça, c'est une faveur que Allah Ta'ala donne aux hommes pieux. Aux hommes pieux. Ces serviteurs qui sont pieux, ils leur donnent cette faveur qu'ils descendent quelque chose dans leur cœur pour qu'ils se sentent les plus heureux sans rien avoir. Naam. Et il a un châtiment, c'est de quoi? C'est de faire descendre la peur et la tristesse et l'obscurité dans le cœur, des cœurs de ceux qui lui désobéissent, même s'ils sont les plus riches. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. C'est une sunna d'Allah. Il descend la tristesse, la pauvreté et l'obscurité dans les cœurs de ceux qui lui désobéissent, même s'ils sont des milliardaires. Non, il est milliardaire, il est très malheureux. Et toi, tu n'as rien, tu es très heureux. Le fait déjà que tu sentes que tu adores Allah Ta'ala, que tu veux faire ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, que tu veux faire des choses pour qu'il t'aime, que demain, inshallah ta'ala, il y a le paradis, que demain, il y a voir Allah Ta'ala, que demain, c'est rencontrer les prophètes, rencontrer les sahaba, rencontrer les ulama là-bas. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Naam. Tout ça, ça te fait oublier. Ça te fait oublier ta maladie. Ça te fait oublier ton chômage. Ça te fait oublier ton célibat, tu n'es pas marié. Ça te fait oublier ta pauvreté. Tout ça. C'est l'iman qu'il y a dans le cœur. Le vrai iman. Naam. La vraie croyance quand elle descend dans le cœur. Ensuite, l'Azza wa Jal a dit. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, l'Azza wa Jal? Il a dit, si tu te libères pour mon adoration, je remplirai ta poitrine de richesse et je comblerai ta pauvreté. Il a dit, wa in la taf'al, et si tu ne fais pas, ah, tu veux pas maintenant, tu veux pas l'adoration, et wa in la taf'al, mala'tu yadayka shughlan wa lam asud faqrak, la hawla wa la quwwata illa billah. Et si tu ne veux pas te libérer pour mon adoration, mala'tu yadayka shughlan, je vais remplir tes mains de quoi? De shughl. Chorl, yani, disons, d'occupation. Naam. Je vais t'occuper du matin au soir jusqu'à ce que tu travailles plus qu'un âne. Pardon du mot. tu travailleras plus qu'un âne, du matin au soir. Non, Dieu va te remplir d'occupation, jusqu'à ce que tu n'aies pas une seconde pour être libre. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, on voit yani, des milliers de gens pareils qui sortent du matin, il revient milieu de la nuit. Et il te dit, j'ai pas terminé ce que j'ai à faire. Non, qu'est-ce que tu faisais toi? Tu étais dans une mosquée en train d'écouter les doros, tu étais en train de faire quoi exactement? Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Une seconde. Celui-là était où? Il était dans la dunya. Dans la dunya. Du matin au soir. Il ne donne pas un instant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne donne pas un instant pour apprendre le dîn. Il ne donne pas un instant à essayer de ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Du matin au soir, il court derrière la vie. Non. Celui-là, Allah Azza wa Jal va le châtier. C'est quoi, comment qu'il le châtie? Il le châtie ainsi, en le laissant occuper du matin au soir. Occuper du matin au soir. Ensuite, Allah Ta'ala, dans ce hadith qui va venir, le hadith 1915, où Allah, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est un hadith authentique, il a dit, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour du jugement dernier. Allah ta'ala dira le jour du jugement dernier. Aina al-mutahabbuna li jalali. Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilli. Subhanallah al-azim. Le jour du jugement dernier, Allah ta'ala dira beaucoup de choses. Entre autres, qu'est-ce qu'il dira? Entre autres, il dira Où sont ceux qui sont aimés en moi? Naam. Ils se sont aimés en moi. Dijalali, yani, on m'a, je sais pas comment on dit ça, ou bien disons, on m'a beauté, ou yani, en moi, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalil, je sais pas comment on dit Jalil en français, mais en ce sens, ça donne, ils se sont aimés en moi, pas en autre chose. Où sont-ils? Et bien sûr, ils vont commencer à sortir. Il va dire, Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Aujourd'hui, je vais les mettre dans mon ombre. Car ce jour-là, il n'y aura pas d'ombre. Naam. Ni parapluie, ni parasol, ni casquette, ni chapeau, ni arbre, ni immeuble sous lequel tu veux te cacher. Il n'y a pas le soleil qui descend et qui sera sur notre tête à 1 km 700 et quelques. Naam. 1000. Seulement 1000. 1000. 1000, c'est en anglais, à la maille, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur notre tête. Moins de 2 km, je crois 1 km 748 mètres à peu près. Imagine le soleil maintenant à des millions de kilomètres. Des fois, on a mal à la tête s'il est un peu chaud. Imaginez s'il est à 2 km au-dessus de notre tête, qu'est-ce qui va se passer? Et là, Allah Azza wa Jalla va faire sacrifier des gens pour les faire entrer dans son nombre. Nombre de quoi? Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a dit, c'est une ombre spéciale que Allah Ta'ala créera ce jour. Car Allah Ta'ala, quand il a dit Fidrilli dans mon ombre, ça ne veut pas dire son ombre à lui. Comme moi, quand je marche, j'ai l'ombre qui me suit. Non, c'est pas ça. Mon ombre, c'est comme je dis par exemple, ma voiture, mon cheval, mes cheveux. Non, c'est pas comme ça, mes cheveux, c'est moi. C'est quand je dis ma voiture, mon cheval, ma maison. Non, ce sont des choses qui m'appartiennent. Allah Ta'ala, quand il dit mes créatures, mes cieux, ma terre, mes arbres, ce sont des choses qu'ils ont créées. Mon ombre, c'est aussi l'ombre qu'il a créé. C'est pas l'ombre que l'azul n'a pas d'ombre. Car comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, si on dit que Allah Ta'ala a de l'ombre, ça veut dire que le soleil est au-dessus de lui. Pour que tu aies l'ombre, toi, il faut que le soleil soit au-dessus de toi. Sinon, il n'y a pas d'ombre. Est-ce qu'il est possible que le soleil soit au-dessus d'Allah? C'est impossible. Inna Allah huwa al-a'la. Allah, c'est le plus haut, le plus grand. C'est impossible qu'il y ait quelque chose au-dessus de lui. Donc c'est l'ombre, une ombre spéciale que Allah Ta'ala va créer. Et moi, je suis de l'avis qui disent que l'ombre ici, c'est l'ombre du trône. Pourquoi? Car Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith sahih, il a dit que Allah Ta'ala va les mettre devant, ou là-dedans, va les mettre dans l'ombre de son trône. L'ombre de son trône. Inch'Allah Ta'ala, je crois que cet avis est mieux, parce que le hadith est sahih. hadith Al-Bani l'a dit sahih, que le trône d'Allah Ta'ala a une ombre, donc ils vont se mettre sous l'ombre du trône. Yawma la dhilla illa dhilli, le jour où il n'y aura d'ombre que mon ombre. Subhanallah. Regardez l'importance de aimer quelqu'un en Allah. Et maintenant, c'est très très très très peu. Naam. Cet amour en Allah existe quand il y a la piété et les pieux. Plus on est pieux, plus on aime les gens en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus la piété est faible et la foi est faible, plus on aime des gens que pour les masalih. Comment on dit masalih en français, hein? C'est comment on dit j'ai avec toi, comment ça s'appelle, maslaha. Moi j'ai avec toi, quand je cherche le mot, si je le trouve, bon, j'ai pas trouvé le mot. Maintenant, les gens aiment les gens, pourquoi? Parce qu'ils ont avec ces gens un bénéfice. Naam. Moi, je voudrais bien savoir qui est cette personne, mashallah, bien habillée, etc. Ah, celui-là, c'est un médecin. Ah, là, j'aimerais le connaître. J'aimerais faire sa connaissance. Comme ça, si je tombe malade, inshallah ta'ala, là, il peut venir à la maison, etc. C'est qui cette personne? Ah, oh, c'est un, mashallah, un grand responsable. J'aimerais faire sa connaissance. Si jamais j'ai des problèmes ou là, il m'aidera. Qui c'est cette personne? C'est ceci. Mashallah, j'aimerais faire sa connaissance. Comme ça, donc, les gens maintenant font des connaissances. Pourquoi? Seulement parce qu'il y a des bénéfices et des avantages. C'est très rare maintenant que quelqu'un aime quelqu'un en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que, aimer en Allah, ça a vraiment, vraiment, vraiment des récompenses le jour du jugement dernier. Et ça suffit que tu sois sous l'ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre. Tu sois sous l'ombre, le jour où il n'y a pas d'ombre. Les gens ne s'aiment que par intérêt. Amour par intérêt. Naam. C'est pour ça que, si tu trouves quelqu'un, par exemple, qui est pauvre, même s'il est pieux, s'il est mashallah, il ne l'aime pas. Ah, je n'ai pas d'intérêt avec celui-là. Pas vais-je l'aimer. Je n'ai pas d'intérêt avec lui. Non. Moi, je veux, quand j'invite les gens chez moi, j'invite les X et Y, les grandes personnalités. Même s'ils ne font pas la prière, ils boivent de l'alcool. Ça ne fait rien, mais c'est X. J'étais avec X et Y. Et le pauvre Ada qui jeûne, qui, mashallah, il apprend le Coran, il aime la sunnah, Ada, je ne l'aime pas. Déjà, il est mal habillé et il est pauvre. Non. J'ai honte de marcher avec lui. Ça veut dire que la foi ne s'est pas encore bien ancrée dans nos cœurs. Naam. Quand la foi est bien ancrée dans nos cœurs, on aime pour Allah et on ne regarde ni le vêtement, ni qu'est-ce qu'il travaille, ni qu'est-ce qu'il a. On ne regarde pas. On ne demande même pas. On ne demande même pas à quelqu'un qu'est-ce que tu travailles ou là, combien tu payes ou là, quelle voiture tu as. Je t'aime en Allah. Je t'aime pour ta science. Je t'aime pour la piété que je sens en toi. Naam. Je t'aime pour ton comportement. Et ce n'est pas facile, comme j'ai dit, de nos jours, où les gens ne pensent qu'à cette vie et qu'à l'argent, qu'à amasser l'argent. C'est difficile de trouver ceux qui s'aiment en Allah. Il y en a, alhamdoulilah. Il y en a, et ils resteront, ils existeront jusqu'à la fin du monde. Mais je veux dire seulement qu'ils sont quoi? Qu'ils sont peu nombreux. Naam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit sept. Cette personne, Allah Ta'ala les fera sortir le jour du jugement dernier et les mettra sous l'ombre le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Parmi les sept personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rajulan, Tahabba fillah. Et deux personnes, pourquoi je dis deux personnes, je ne dis pas deux hommes. Parce que deux femmes, ça rentre aussi. Quand deux femmes s'aiment en Allah, ça rentre dans le hadith. Il a dit deux personnes qui se sont aimées en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux personnes, quand elles se rencontraient, elles parlaient d'Allah et jusqu'à ce qu'elles se dispersaient en invoquant Allah Azza wa Jal. Et d'autres ulama ont dit se rencontrer en Allah et se séparer en Allah veut dire, ils ont donné un autre, veut dire que tant que les deux personnes sont mashallah dans la piété, etc., ils s'aiment. Mais donc, tant que si l'une des deux personnes va dévier, va ne plus faire la prière ou là va boire l'alcool ou là, il se quitte. Là, moi je t'ai aimé en Allah. Maintenant que toi tu fais pas la prière ou là, il m'est impossible que je t'aime. Pas possible. Toi tu es contre la charia. Toi tu es désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment veux-tu que je t'aime? Et dans un hadith sahih, que quelqu'un une fois marchait dans la rue. Ensuite, quelqu'un l'a arrêté. Il lui a dit, je voudrais te demander, où est-ce que tu vas toi? L'autre a répondu, je vais dans telle ville. Il lui a dit, pourquoi? Tu connais quelqu'un là-bas, par exemple, qui t'a fait quelque chose de bien, tu veux le lui rendre? Il a dit, non, je fais seulement cela en Allah. Je veux lui rendre visite en Allah. Je vais maintenant d'ici, de cette ville, vers une autre ville, à cause de quelqu'un, pour lui rendre visite en Allah. C'est pas il m'a prêté de l'argent, je vais lui rendre là. Non, c'est pas ça. Seulement pour rendre visite en Allah. Que lui a dit l'autre personne qui lui a posé des questions? Elle lui a dit, écoute, moi je suis un ange que Allah Ta'ala m'a envoyé pour te dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés. Ou bien lui a dit, t'as aimé ou quelque chose comme ça. Non, subhanallah al-azim. Regardez, Allah Ta'ala envoie un ange spécialement pour une personne. Pourquoi? Parce qu'elle veut, salam favor. Parce que cette personne veut aller, rendre visite à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc vous voyez, l'avantage de ceux qui s'aiment en Allah subhanahu azza wa jalla. Et on en a déjà parlé deux fois de cette chose une fois. Non. Dans le hadith 1916. Donc je voulais dire que profitez de l'occasion et aimez-vous en Allah subhanahu wa ta'ala. Aimez-vous en Allah. Cherche des gens et aime-les en Allah azza wa jalla. Aime-les sincèrement en Allah. Ne les aime pas, comme je viens de dire, pour les intérêts. Aime-les bi-idna ta'ala en Allah azza wa jalla. Et tu verras, inshallah ta'ala, la récompense qui t'attend bi-idnillah azza wa jalla demain. La récompense qui t'attend bi-idnillah azza wa jalla demain. Dans le hadith 1916, le prophète a dit dans un hadith Qudsi, dans un autre hadith Qudsi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah. Allah ta'ala dira le jour du jugement dernier. Subhanallah al-azim. S'il n'y avait pas des hadiths comme cela, comment qu'on saurait ce que dit Allah Ta'ala? Personne ne peut savoir ce que va dire demain Allah Azza wa Jalla. Mais regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend des choses que personne ne peut connaître. Donc subhanallah al-azim, plus on connaît des hadiths, plus mashallah on connaît des choses que les gens ne connaissent pas. Non, plus on connaît des hadiths et qui sont sahih, qui sont authentiques, plus mashallah on connaît des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Allah Ta'ala dira le jour du jugement dernier, « Yabna Adam, maristu falam ta'udni. » Oh, mon serviteur, je suis tombé malade, tu n'es pas venu me rendre visite. Allah Ta'ala dira à certains gens, « Oh, mon serviteur, je suis tombé malade, tu n'es pas venu me rendre visite. » Qala ya Rabbi, ya Rabbi, kifa a'uduka wa anta rabbul alamin. La personne répondra, Ya Allah, comment te rendrai-je visite alors que c'est toi Rabbul Alamin? C'est toi, subhanallah al-azim, toi Rabbul Alamin. Toi, il est possible que tu tombes malade, que je viens te rendre visite. Il trouve ça inconcevable. Qala, Allah Azza wa Jalla lui répondra, Ama adimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu? Allah Ta'ala lui dira, ne sais-tu pas que X des gens, il va lui citer la personne. Tu ne sais pas que X des gens est tombé malade et tu n'es pas allé lui rendre visite, hein? Tu sembles oublier. Tu ne sais pas que X des gens est tombé malade, et tu n'es pas allé lui rendre visite. Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah? Et ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé chez lui là-bas? Tu ne sais pas cela? Allah subhanahu wa ta'ala est avec le malade. Si tu veux être près d'Allah subhanahu wa ta'ala, va rendre visite à un malade. Tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala devant lui. Non, Allah ta'ala est sur son trône, bien sûr. Mais il est près de certaines personnes. Il est près des croyants, il est près des pieux, il est près d'eux. Il a dit au prophète Hassan ou à Abu Bakr, Allah ma'ana. La tahzan, Allah ma'ana. Et il est près aussi du malade. Dans ce hadith, il nous apprend qu'il est près du malade. Non. C'est pour ça que quand tu sors de ta maison pour aller rendre visite à un malade, il y a 70 000 anges qui te suivent, hein, qui marchent avec toi, un cortège. Et 70 000 anges qui vont partir avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Et si jamais tu meurs en chemin, c'est le paradis bi'idhni azza wa jalla pour celui qui sort de sa maison pour aller rendre visite à un malade. Et toujours, je reviens ici, rendre visite à un malade en la cause d'Allah. Ce n'est pas parce qu'il est X ou il est Y. Ce n'est pas parce qu'il est riche ou là il n'est pas, il est je ne sais pas quoi. Si c'était le plus pauvre, je serais allé. Non. Je vais en Allah. Quand je vais en Allah, les autres choses ne m'intéressent pas. Comment est-il, que fait-il, où travaille-t-il, est-il le président de la République ou là le balayeur? Je m'en fous. Je vais le voir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Ce n'est pas tout le monde. Non. Ensuite, Allah ta'ala dira, Yabna Adam, ô mon serviteur, istat'amtuka falam tut'imni. Je t'ai demandé à manger, à me donner à manger, tu ne m'as pas donné. Il a dit, qala ya Rab, kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah ta'ala, comment je te nourris? Allah ta'ala, comment je te nourris alors que c'est toi rabbul alamin? Allah al-alim, c'est inconcevable. الله تعالى ديغا أما علمت أنه استطعمك عبد فلان فلم تطعمه ne sais-tu pas que X de mes serviteurs t'a demandé de le nourrir et tu ne lui as pas donné. Il t'a dit donne-moi à manger et tu ne lui as pas donné. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ne sais-tu pas que si tu lui avais donné ce jour-là tu aurais trouvé cette chose ici aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui tu n'as rien, hein? Donc ne te plains que toi, ne plains personne. La personne qui t'a demandé de me donner, tu lui as refusé. Si ce jour là tu lui avais donné la chose que tu lui avais donné, tu l'aurais trouvé aujourd'hui, elle t'attend ici. Puisque vous avancez maintenant, vous allez le trouver demain chez Allah subhanahu wa ta'ala caché. Et ce n'est pas comme dans une banque. Tu caches l'argent dans la banque, il se peut que ça arrive une chose. Il se peut que la banque soit volée ou le tremblement de terre ou le brûlé ou le je ne sais pas quoi. Et dans la banque, on ne te donne jamais plus. Si on te donne, on te donne des intérêts, c'est pour te faire rentrer en enfer. Mais Allah ta'ala, il te donne plus, beaucoup, beaucoup plus que tu ne donnes aux pauvres. Et il te donne beaucoup plus pour te faire entrer au paradis. Voilà la différence entre les intérêts que donnent les gens et ce que te donne Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ensuite, Allah ta'ala dira, Yabna Adam, istasqaytuk falam tusqini. Yabna Adam, ô mon serviteur, je t'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné. يقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين أسقيك يا الله comment tu te donnes à boire alors que c'est toi رب العالمين. الله سبحانه وتعالى dira استسقاك عبد فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الله تعالى lui dira X de mes serviteurs t'a demandé à boire, tu ne lui as pas donné. Si tu lui avais donné, tu aurais trouvé cette chose aujourd'hui ici. سبحان الله العظيم. Quelqu'un va dire, comment je lui donne de l'eau, je trouve de l'eau. Subhanallah al-Azim. Ne sais-tu pas, mon frère et ma soeur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, afdalu sadaqa ou afdalu sadaqat al-ma'. Il a dit, la meilleure des aumônes, c'est l'eau. Naam. Si tu donnes à quelqu'un 10 euros, mais tu lui donnes un verre d'eau, c'est mieux. A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un te demande à boire, naam, si moi je meurs de soif et tu me donnes 100 euros et il n'y a pas d'où je vais acheter, etc., qu'est-ce que je vais faire avec les euros ou l'or? Moi, donne-moi à boire, je vais mourir de soif. Naam, tournez l'eau, c'est l'une des meilleures au monde. Et le prophète a dit, c'est la meilleure au monde. Alors là, n'oubliez pas la femme d'Ibn Ta'ala qui est arrivée devant un puits. Une femme est arrivée devant un puits et elle avait tellement soif que yani, elle est descendue dans le puits, elle a enlevé son soulier, elle l'a rempli et elle est sortie, elle a bu. Elle n'a pas où remplir. Quand elle est sortie, elle a trouvé un chien en train de lécher la boue tellement qu'il avait soif. Elle a dit, subhanallah, ce chien ressent ou la vit exactement ce que je vivais avant de descendre dans le puits quelques minutes. Il vit la même chose que je vivais de soif. Subhanallah. Elle a dit, donc je vais lui donner à boire. Elle est descendue, elle a mis de l'eau dans son soulier et lui a donné à boire. Le prophète alayhi sallam a dit, fa shakara Allahu laha fa ghafara laha. Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié et lui a pardonné. Qu'est-ce qu'il lui a pardonné? Cette femme, c'était une femme qui faisait la zina. Une femme qui vivait avec la zina. C'était ça son travail. Non, c'est une fornicatrice, c'est ça son travail. Une femme de joie. On lui donnait de l'argent contre la zina. Et Allah ta'ala lui a pardonné parce qu'elle a donné quoi? De l'eau. Et à qui? À un chien. Un chien. Le sale chien. Le chien qui... Il lèche un récipient, tu dois le laver 7 fois. 7 fois, une fois avec la terre. Le sale chien. Le sale qui est najasa. Celui-là, il lui a donné à boire. Et Allah lui a pardonné. Il lui a pardonné quel péché? La zina. Subhanallah al-Azim. C'est pas un petit péché, la zina. Et elle travaillait dans cette chose. Allahu Akbar. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pour ceux qui ferment les portes aux gens. Hein? Ceux qui ferment les portes aux gens qui disent khlas, tu as fait la zina, khlas, c'est jahannam, tu ne vas plus sortir. Non, on leur dit attaquez-Allah subhanahu wa ta'ala. Attaquez-Allah subhanahu wa ta'ala. Attaquez-Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fermez pas ce que Allah Azza wa Jalla a ouvert. Ne fermez pas ce que Allah Azza wa Jalla a ouvert et n'ouvrez pas ce que Allah Ta'ala a fermé. Non, n'ouvre pas ce que Allah Ta'ala a fermé. Mais attention que tu fermes aux gens ce que Allah Ta'ala a ouvert. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je cherche un hadith ici, il a dit dans le hadith 1939, c'est un hadith authentique, il a dit Innal mar'ata ida aqbalat fi surati shaytan. Il a dit quand la femme sort dans la rue, elle vient dans l'image du shaytan. Pourquoi? Parce que le shaitan, yani, va lui embellir les choses, embellir la vie. Va lui dire, yani, l'essentiel c'est quoi? C'est la vie, l'essentiel c'est de plaire aux hommes, l'essentiel, yani, il veut lui faire oublier le din, il veut lui faire oublier qu'elle doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là, collé à elle, il est collé à elle, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهلها فإن الذي معها مثل الذي معها. Donc le prophète nous apprend ici, nous éduque et nous montre. Il nous a dit, si jamais tu vois une femme dans la rue et qu'elle te plaît, أعجبتك, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, tu reviens vers ta femme. Non, tu reviens vers ta femme. فإن الذي معها مثل الذي معها. Il a dit, ce qu'il y a dans la femme que tu as vue et qui t'a plu, la même chose existe chez ta femme. Non, qu'est-ce qu'elle a cette femme? L'autre femme, ta femme la vraie, elle a la même chose. Le prophète veut dire, alayhi sallam, ici, si jamais tu vois une femme dans la rue et elle te plaît, bien sûr, il ne faut pas voir. Mais si jamais ton regard tombe sur une femme et elle t'a plu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu reviens vers ta femme, c'est-à-dire, et tu fais le rapport avec elle. Et tu fais le rapport avec elle, comme ça, ça va te faire oublier bi'inna azza wa jalla. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tu reviens vers ta femme. Il n'a pas dit si elle te plaît, tu lui fais un clin d'œil. Subhanallah al-Azim. Il n'a pas dit tu lui souris et tu marches derrière elle et tu commences à siffloter. Il n'a pas dit ça sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tu reviens vers ta femme. C'est pour ça que on prend ici deux autres avantages. C'est quoi? C'est que la femme, quand son mari la veut, il lui est interdit qu'elle lui dise non. Sinon, elle est maudite. Et les anges la maudiront. Sauf dans le cas où elle est malade. Naam. Dans le cas où elle sait qu'elle ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Parce que elle ne veut pas lui désobéir. Mais elle ne peut pas, elle est malade. Elle ne peut pas faire cette chose. Naam. Allah ta'ala sait si elle est malade ou si elle ne l'est pas. Et ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, l'avantage de celui qui est marié. Masha'Allah. Celui qui est marié, s'il y a une fitna, il y a la femme. Sa femme, Masha'Allah, qui l'attend à la maison. Et celui qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit yani, jeûner beaucoup et craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire des du'as et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui le mariera demain ou après-demain, bi'idhna ta'ala. Comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, وَلْيَسْتَحْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah ta'ala a dit, et que ceux qui ne trouvent pas de quoi se marier, qu'ils restent chastes. Hein, ils ne font pas la zina, ils restent chastes jusqu'à ce que Allah ta'ala les enrichisse. Naam. Allah ta'ala va t'enrichir demain ou après-demain, t'enrichir en te donnant avec quoi te marier ou en te choisissant la femme qui te convient, bi'idna azza wa jalla, et le partenaire qui te convient. Ça s'applique à l'homme et à la femme. Tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu le crains, tu as peur, tu fais des du'as, Allah ta'ala te fera une issue et exaucera tes voeux, bi'idnillahi azza wa jalla. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 1957, hadith sahih, il a dit, inna al-mala'ikata la tal'anu ahadakum إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. سبحان الله العظيم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, إن الملائكة, les anges, إن الملائكة, لا تلعنوا أحدكم. Les anges maudissent. سبحان الله العظيم. Les anges maudissent qui? Quand les anges maudissent, c'est quelque chose de grave. Les anges, يعني disent, la'anatullah alik, c'est vraiment quelque chose de grave. Naam. Les anges maudissent quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait cette personne pour que les anges le maudissent? J'ai dit tout à l'heure, par exemple, si la femme ne se donne pas à son mari, elle n'a pas d'excuse. Bon, elle est maudite. Maintenant, c'est une autre catégorie de gens que les anges maudissent. C'est qui? Il a dit, celui qui, il prend par exemple un fer, une barre de fer, il a par exemple un couteau, ou là par exemple un revolver, et il le pointe vers quelqu'un en s'amusant. Non, beaucoup de gens font cela. Il a dit ici, même si c'est son frère, même si c'est son frère de son père ou son frère de sa mère. Non, même si c'est ton frère, tu dis pas je suis en train de plaisanter avec lui. Plusieurs personnes, si ce ne sont pas des centaines, ce sont des milliers, mais je ne crois pas que ce soit des milliers. Je crois que ce soit même des millions qui ont été tués juste en plaisantant. Il sort le revolver et commence à plaisanter. Il lui dit, écoute, attention, hein, je vais tirer. Hein. Attention ceci, attention cela. Ensuite, le shaitan vient mettre son doigt sur ton doigt, sur la gâchette, et c'est lui qui va tirer. Subhanallah al-Azim. Tu vas t'étonner, tu vas dire, Subhanallah. Allah, c'est pas moi, je ne voulais pas. C'est trop tard. Le hadith t'a dit que quiconque fait comme ça, il est quoi? Il est maudit. Donc, ce n'est pas seulement un revolver. Tu es maudit si tu joues avec quelqu'un avec un couteau. Tu prends un couteau et tu commences à lui faire comme ça en face de lui. Attention, hein, je vais te frapper. Hein. Attention, hein, je vais te palaffer. Hein. Attention, en plaisantant, en riant. Tu es maudit jusqu'à ce que tu lâches quoi? Le couteau. Tu es maudit, tu prends une barre de fer. Et tu commences à dire, attention, hein, je vais te frapper la tête. Attention, attention, ceci. Tout cela. On est maudit. Non. J'ai pas bien compris avec la chose. Il faut me faire comprendre comment ça se passe avec la moto. J'ai pas bien compris. Et il y a des milliers de choses comme ça qui rentrent dans cette chose. Non. Je parle ici spécialement de ceux qui font une chose pour les autres. Non. Toute personne qui joue avec quelque chose en faisant peur à une autre. Cette personne est maudite. Naam. Si tu prends une chose, je ne sais pas quoi, une moto, je ne sais pas ce que tu prends, et tu vas faire peur aux gens, comme certains ils jouent avec des voitures et des motos, je ne sais pas comment ils font pour faire peur aux gens et tout ça. Celui-là, il est maudit juste parce qu'il arrête. Pourquoi? Parce qu'il fait peur aux gens et il risque de les tuer ou de faire un accident très grave. Hein? Il risque de les faire asseoir sur la chaise roulante, tout en plaisantant. Celui-là est maudit. Prendre la rue. L'islam ne t'apprend que faire du bien aux gens. Non. Tout ce qui n'est pas bien, l'islam te dit éloigne-toi de lui. Éloigne-toi des choses qui ne sont pas bien et qui font peur aux gens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1965, il a dit, sahih, inna al-mawta la yu'adzabuna fi quburihim hatta inna al-baha'ima la tisma'u aswatahum. Je répète, inna al-mawta la yu'adzabuna fi quburihim hatta inna al-baha'ima la tisma'u aswatahum. Subhanallah azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les morts sont châtiés dans leur tombe. Non. Les morts sont châtiés dans leur tombe. Il y a un azab, un supplice dans la tombe. Il a dit hatta inna al-baha'im, jusqu'à ce que les bestiaux entendent leur voix. Non. Entendent leur voix. Et nous, alhamdulillah, quoi? On n'entend pas ces choses. Alhamdulillah, que quoi? Qu'on n'entend pas ces choses. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, en ce sens, il est sahih, mais en ce sens, il a dit, si yani, je savais, yani, ou bien si je voulais, yani, et je demanderais à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire peur, ça je me rappelle, il a dit, laoula, enni akhafu, alla tadafanu, tada'utullah, en yusmi'akum min adab al-qabr. Si ce n'est que j'ai peur que vous ne, comment on dit ça, enterrez. Naam. Si ce n'est que j'ai peur, naam, je vois, cherche avec moi où il est, Ben Hashmi. Naam. Si ce n'est que j'ai peur que quoi? J'ai peur que vous n'alliez plus vous enterrer, alors j'aurais fait un dou à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Pour vous montrer, pour vous faire entendre le supplice du qabr. Subhanallah al-Azim. Il a dit, mais je ne veux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne veux pas lui demander de vous faire écouter ce qui se passe dans le qabr. Pourquoi? Parce que si je vous fais écouter ce qui se passe dans le qabr, vous risquez quoi? Vous risquez de ne plus jamais enterrer quelqu'un. Jamais, au grand jamais, vous n'allez enterrer quelqu'un. Il a dit, c'est pour ça que je ne demanderai pas à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire écouter ce qu'il y a dans le qabr. Ce hadith que je viens de dire maintenant, le dernier, où il vient de dire sallallahu alayhi wa sallam, si je n'avais pas peur que vous n'alliez pas vous enterrer, j'aurais demandé à Allah Ta'ala de vous faire écouter adab al-qabr. C'est un dalil très solide bi'idna ta'ala, pour dire que quoi? Pour dire que les gens qui ont dit qu'il y a une cassette dans laquelle on entend adab al-qabr, que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Car si c'était vrai, ce hadith n'aurait pas marché. Non, car ce hadith a dit que vous ne pouvez pas entendre adab al-qabr. Vous ne pouvez pas l'entendre. Non. Il a dit, mais si je faisais un doua, vous allez l'entendre. C'est-à-dire, si je ne fais pas de doua, vous ne pouvez pas l'entendre. Dans ceux qui nous disent qu'ils ont entendu adab al-qabr dans une cassette, etc., on leur dit, tout ça, bi'idna ta'ala, ce n'est pas vrai. Tout ça, ça rentre dans le domaine de l'invisible. L'invisible, quelque chose qu'on ne peut ni voir ni entendre. Non, j'ai dit que les animaux, les bestiaux, entendent ce qui se passe dans quoi? Dans la tombe. Comme dans le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était une fois sur un cheval du quoi, et que le cheval s'est cabré. D'arriver devant une tombe, le cheval s'est cabré. Pourquoi? À cause de ce qu'il a entendu comme supplice dans quoi? Dans la tombe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit qu'il y a deux personnes qui sont en train d'être suppliciées dans la tombe. Il a dit, l'un d'eux faisait la médisance et l'autre, quand il urinait, il ne se lavait pas, il ne s'essuyait pas bien. Il a dit, ils sont en train de subir le supplice dans la tombe. Ibn al-Qayyim, rahmatullah, a cité quelque chose de drôle que j'ai lu. C'est drôle, mais c'est vrai. Il a cité quelque chose de drôle, mais ça m'a plu. Je prends la limite, comme on dit les salafs. Il a dit que, au temps des salafs, certaines personnes, quand elles avaient, ces personnes, elles avaient par exemple le cheval qui tombait malade, ou la l'âne qui tombait malade de constipation. Hein, c'est difficile, un cheval ou l'âne qui a la constipation, hein, il faut y trouver le médicament autrefois, etc. C'est difficile. Il a dit que certains salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient cet animal devant une tombe de kafir. Hein, juste l'animal. Entendait le supplice qu'il y avait, yani, tellement la peur le prenait que il commençait à avoir la diarrhée, khlas, après être constipé de peur, il commençait khlas, son ventre, yani, commence à fonctionner, subhanallah l'azim. Ensuite, khlas, il peut faire ses besoins, subhanallah l'azim. Regardez celle comment ils pensent. Ils disent que les animaux entendent ce qu'il y a dans la tombe, on va faire peur à cet animal, son ventre va marcher bien. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1967, hadith sahih, il a dit: Inna al-mayyita idha dufina sami'a khafqa ni'alihim idha wallaw anhu muntarifin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit: quand on enterre quelqu'un, quand on enterre quelqu'un, ensuite on a terminé l'enterrement, il a dit, il a dit, quand les gens commencent à repartir vers la maison, vers chez eux, il a dit, le meyit, celui qui est dans la tombe, entend, yani, leur pas, en train de partir. La hawla wa la quwwata illa billah. Et dire que, nous tous, vous tous qui m'entendez, et moi, et moi, et toi, et lui, nous tous, demain, nous rappellerons, inshallah ta'ala, ce que je viens de dire, ce hadith. Quand on nous mettra dans notre tombe, et tu entendras les gens partir, les gens quitter le cimetière. Et ce jour-là, ce sera le jour le plus triste, bien sûr, pour celui qui ne s'est pas préparé pour ce jour. Non, celui qui ne s'est pas préparé, même celui qui s'est préparé, voudrait que les gens ne partent pas, subhanallah. D'où ils étaient hier avec moi, mon père, ma mère, mes frères, mes amis, tout le monde maintenant va se quitter. Personne, même celui qui t'aime le plus, ne pourra passer la nuit avec toi. Dis à ton père, s'il t'aime beaucoup, de venir cette nuit-là, il prendra un matelas et il dormira au-dessus de toi. Il ne va pas dormir, il va aller à la maison. Non, personne n'aura le courage de rester avec toi, ni le temps de rester avec toi. Non, ce jour-là, le meyit, le mort, entendra les pas des gens qui vont partir. Il y en a qui vont partir, revenir vers la maison, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand on enterre quelqu'un, on termine, hein, qu'est-ce qu'on dit? On commence à lui faire des doigts, chacun seul, pas en groupe. On lui fait des doigts de cette bête. On demande à Allah Ta'ala de le raffermir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand il a enterré quelqu'un, il a terminé, il a dit is'alou li akhikum tathbit innahu al-ana yus'al. Il a dit, maintenant, juste qu'on a terminé de l'enterrer, faites-lui des doigts de raffermissement. Demandez à Allah Ta'ala de le raffermir, yani pour qu'il réponde aux trois ou quatre questions qui vont lui être posées. Faites-lui des doigts de raffermissement. Il a dit, maintenant il est en train d'être questionné, subhanallah. Dès que tu termines la dernière poignée de terre, tu jettes la terre sur la tombe, dès qu'on a terminé de jeter la terre, il est déjà assis par deux anges. Il est déjà assis et on commence à lui poser des questions, alors que nous, les vivants, sont déjà au-dessus de lui, subhanallah, sont debout au-dessus de lui, et lui, il est déjà en train d'être questionné, subhanallah l'azim. C'est pour ça que tu profites de lui faire des doigts, Allahumma sabbitho, Ya Allah, raffermis-le, elle est dans la réponse, raffermis-le, pour qu'il réponde quoi? Pour qu'il dise, quand on va lui poser la question, sur qui est Allah, من هو ربك ما هو دينك ما هو الإسلام il répondra ربي الله ربي c'est الله دين الإسلام et Muhammad صلى الله عليه وسلم c'est mon prophète. Celui-là ne pourra répondre que celui que Allah Ta'ala aidera. نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah, c'est Allah qui a dit dans le Coran, il a dit c'est moi qui raffermis qui je veux et c'est moi qui j'égare qui je veux. Si je l'égare, il ne peut pas répondre, il ne saura pas répondre, même si on lui a appris ici par cœur toutes les réponses. Si Allah Ta'ala l'égare ce jour-là, il ne pourra pas, sa langue sera nouée, il veut parler, il ne peut pas. Mais Allah Ta'ala n'égare jamais quelqu'un qui était pieux, qui était croyant. Il égare les kuffars et les innovateurs et les mouchriquins, etc. Quelqu'un qui est sérieux, sincère avec Allah, pieux. Du matin au soir, il voudrait faire ce qu'Allah Ta'ala, la chose qui plaît à Allah. Du matin au soir, il est en train de s'éloigner des choses qu'Allah Ta'ala n'aime pas. Celui-là, même si de peur, il ne peut pas répondre, Allah Ta'ala fera parler sa langue. La langue parlera elle-même, sans que tu le veuilles toi. Elle dira Rabbi Allah. Et pour le prophète, elle dira c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle dira l'islam. L'islam, c'était mon din. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Ensuite, je crois que c'est le dernier hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-mayyita la yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayh. Naam. C'est un hadith sahih, 1970. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mayyit, yani le mort dans sa tombe, yu'azab. Il y a le azab, le supplice, il a dit l'azab. À cause de quoi? À cause de sa famille qui sont en train de pleurer à cause de lui. Subhanallah, comment cela? Naam. Quand quelqu'un meurt, il est permis en islam de pleurer. Et quiconque prétend qu'il peut ne pas pleurer s'il perd quelqu'un de cher. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Tu peux ne pas pleurer, tu perds ton père et ta mère, le ton enfant, tu ne vas pas pleurer. Ça n'existe pas. Non? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu son fils Ibrahim à l'âge de 8 mois, qu'est-ce qu'il disait? Inna al-ayna la tadma. Yani mon œil, larme-moi. J'ai des larmes dans les yeux. Inna al-ayna tadma. Wa inna al-qalba la yahzam. Et mon cœur est triste. ولا نقول الا ما يرضي ربنا عفوا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون اي je suis très triste de ta séparation يا ابراهيم ابراهيم mon fils qui est mort ولا نقول الا ما يرضي ربنا mais on ne dit je ne dis que ce qui ravit Allah Ta'ala subhanallah العظيم regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanallah العظيم il reconnaît il dit j'ai des larmes sur le visage j'ai des larmes نعم j'ai mon cœur qui est triste et je suis très touché par la séparation de mon fils. Masha'Allah. Mais, regardez ce qui est plus intéressant, je ne dis que ce que aime Allah. Je ne dis pas qu'on me dise les juhel. Je ne dis pas qu'on me dise les kuffars. Je ne dis pas qu'on me dise les ignares et les ignorants. Hein, qui disent, Ya Allah, pourquoi seulement tu me donnes ça à moi? Pourquoi? Pourquoi l'autre, mon voisin, qui est un pervers, qui boit de l'alcool, etc., il a, mashallah, 12 enfants, personne n'est mort. Et moi, c'est le troisième qui meurt. Pourquoi, ya Allah, tu me donnes cela? Allah l'afiya. Il y a des gens qui disent cela, vous savez. Des juhel, des juhel. Je ne parle pas des kofars. Les kofars, ils disent cela. Des juhel. Il y a des gens qui sont noyés dans le djel, dans l'ignorance et dans l'égarement. Naam. Des cœurs obscurs, pleins d'obscurité. Naam. Celui-là, il dit, il y en a même qui insultent. Il y a des gens qui lèvent la tête vers le ciel et insultent Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah, a'udhu billah. Naam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis que ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas comme font les gens qui, comme a dit le prophète alayhi wa sallam, il a dit, je me désavoue de quiconque se frappe les joues, se griffe les joues, se déchire les vêtements, naam, une chaka djouyou, voilà pas mal khoudout, naam, il a dit tout cela, je me désavoue d'eux, comme font les chiites aujourd'hui, les chiites, hein, qui prennent des chaînes, des chaînes et des épées, et commencent à se frapper et à se faire sentir, se faire couler le sang. Le prophète alayhi salam sallam se désavoue d'eux. Il est bari d'eux. N'am, jamais l'islam n'a dit de faire cela. C'est l'une des plus grandes innovations des chiites. Ils la font à cause de qui? Au moins. S'ils faisaient ça à cause du prophète alayhi salam sallam, peut-être. C'est interdit, mais 10 ans. C'est moins grave. Il y a le grave, le très grave et le moins grave. Ils font cela à cause du Hussein, radiallahu ta'ala. Alors que la plus grande, le plus grand malheur, c'est la mort du prophète alayhi salam, c'est pas la mort de Hussein. Comme a dit le prophète alayhi salam lui-même. Il a dit, si quelqu'un de vous a un malheur, qui se rappelle mon malheur? Qui se rappelle mon malheur? C'est-à-dire, moi qui suis mort. Pourquoi il se rappelle autre chose? Naam, je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un meurt et que cette personne a dit par exemple à sa famille, moi quand je meurs je veux que vous fassiez comme ça, vous pleuriez, que vous leviez la voix, que vous frappiez les joues, que vous déchiriez les vêtements, il a dit quiconque dit comme ça à sa famille s'il meurt et il commence à faire cette chose, Allah Azza wa Jalla va le supplier dans la tombe. Il va le châtier à cause de ce qu'ils ont fait. Et les ulama ont dit aussi, même pour quelqu'un qui sait que s'il meurt, sa famille va faire ainsi. C'est pas lui qui leur a dit de faire. Mais il sait que sa famille va faire ainsi et il les laisse. Il ne leur dit pas, yani il ne les avertit pas, il ne leur dit pas, écoutez, Taqullah, je vous connais et je connais vos habitudes et je sais que je vous ai vu quand mon oncle est mort, quand X est mort, voilà ce que vous faites de haram. Attention, si je meurs, ne faites pas cela pour moi. Barakallahu fikoum. Ne faites pas cette chose. Naam, ne faites pas cette chose. Maintenant, les ulama ont dit, s'il sait qu'ils vont faire et il ne leur dit pas, Allah Ta'ala va le châtier dans la tombe. Naam. Donc, toi, moi, tous, on a une responsabilité de dire à la famille. Sauf si la famille est pieuse et mashallah, je sais qu'ils ne vont pas faire. Mais si je sais que mes parents, c'est le genre de qui font ces choses-là, je suis obligé de les avertir dès maintenant. Je leur dis, attention, je me désavoue demain devant Allah si vous faites quelque chose quand je meurs. Vous voulez faire pour les autres gens, c'est entre vous et Allah. Je vous ai dit, vous ne voulez pas m'entendre. Mais si vous faites pour moi, je me désavoue demain devant là. C'est une responsabilité que tu dois dire à tes parents. Maintenant, si tu dis comme ça, tu dis à tes parents, et tu meurs, même s'ils viennent sur ta tombe, se griffer le visage, se faire couler le sang, tu n'as aucun péché. Et Allah Ta'ala ne te donne aucun châtiment. Pourquoi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu as fait ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire. Les choses qui te dépassent, Allah Ta'ala ne va rien te faire pour une chose que tu n'as pas faite et qui te dépasse. Naam. Astaghfirullah wa tawbah. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jalla. Je reviendrai, inshallah ta'ala, dans 10 minutes pour les questions-réponses. Je ne répondrai pas à beaucoup de questions parce que je me sens un peu fatigué. Naam. Je ne répondrai pas à beaucoup de questions parce que je me sens, inshallah ta'ala, un peu fatigué. Je répondrai seulement à quelques questions. Bi'idnillahi subhanahu azza wa jalla. Naam. Et je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Naam. Je cherche ici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحييكم الله مرة أخرى وبياكم. نبدأ إن شاء الله تعالى. ne pas perdre de temps. السلام عليكم. vous avez parlé de la vie du malade. ce malade n'a pas une fatigue pas ne fait pas salat et commet de péché. est-ce qu'on aura des récompenses barakallahu fikoum? c'est une bonne question. vous avez parlé de la visite du malade. Et si ce malade qu'on visite ne pratique pas, ne fait pas salat et commet des péchés, est-ce qu'on aura des récompenses par le fait? Naam. Si on va voir un malade de ce genre, il faut partir avec l'intention de lui faire la da'wa. Naam. Je pars à un malade de ce genre avec l'intention de quoi? D'essayer de l'attirer, Inch'Allah ta'ala, et de lui parler du din. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rendre visite à un juif. Et celui-là, il n'est plus mauvais qu'un juif. Il est parti, le prophète alayhi wa sallam a rendu visite à un juif. Et lui a parlé de l'islam. Et le juif a commencé à regarder son père qui était présent. Et son père lui a dit, Ata' Abu al-Qasim, obéis à Abu al-Qasim, obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le juif est rentré en islam. Donc, si on va vers quelqu'un qui fait des péchés, c'est dans le sens d'essayer de l'attirer. Sinon, quelqu'un qui a des péchés, on ne doit pas l'aimer, bien sûr. On aime quelqu'un qui est plus bi'illa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. C'est quoi l'autre question? Salam alaikum, salam. Un R demande salam. Il voulait savoir s'il y a une invocation à dire après avoir baillé et pendant la prière, si on éternue, voit-on dire l'invocation de la prière. Salam alaikum, cher. Un R demande salam. J'ai pas compris que ça veut dire un R demande salam. Allez. Je voulais savoir s'il y a une invocation à dire après avoir baillé. Non, quand on baille, il n'y a pas, je ne connais pas une invocation. Quand quelqu'un baille, je ne connais pas une invocation quand quelqu'un rote. La même chose quand quelqu'un rote. La plupart des gens disent Alhamdulillah. Ou bien disent par exemple Astaghfirullah. Je ne connais pas quelque chose dans la Sunna qui est spéciale invocation quand on baille ou là quand on rote. Et pendant la prière, si on éternue, on se le dit à soi-même. On dit Alhamdulillah entre ses lèvres, c'est tout. On ne le dit pas aux gens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un éternuer. Il a dit Alhamdulillah, Et quelqu'un lui a dit Alhamdulillah. Il a dit à celui qui a dit Alhamdulillah qu'il ne fallait pas dire cette chose dans la salat. Mais il n'a pas dit à l'autre pourquoi tu as dit Alhamdulillah quand tu as éternué. Au contraire, il lui a dit j'ai entendu je ne sais pas combien d'anges prendre et aller se précipiter pour lesquels d'eux va prendre cette parole. Donc on l'a dit en soi-même pour ne pas faire écouter les autres pour qu'ils ne nous disent pas dans la salat Alhamdulillah. Naam. Ça y est, prochaine question, Inch'Allah. Ah, je me rappelle une chose en parlant de baillement, etc. Je me rappelle une chose pour la dire, Inch'Allah ta'ala. La fois passée, ou là, ça fait quelques jours, on m'a posé la question sur quand on se rencontrait, on veut yani, serrer la main aux gens. Est-ce qu'il y a une sunna pour commencer à serrer par la droite? Si vous vous rappelez bien, j'ai dit que je ne connaissais pas une sunna spécialement dans le fait de serrer la main qu'on commence par la droite. Je connais la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait en général par la droite dans beaucoup de choses, et les choses qu'il n'aimait pas, il les faisait avec la gauche. Tout le monde sait cela. C'est pour ça que j'ai dit je n'ai pas un hadith yani khas spécialement qui dit que lorsque on touche la main aux gens, on commence par la droite. Ensuite, j'ai pas dit, et je le dis aujourd'hui, que Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamou a dit que ce n'est pas dans la sunna. Ce n'est pas dans la sunna quand on se rencontre, il y a un groupe par exemple comme ça, de commencer à leur tendre la main. Il a dit ça, ce n'est pas dans la sunna. Dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait, il y avait des sahaba qui étaient assis, il se suffisait à quoi? Assalamu alaikum, c'est tout. Et il ne tendait pas sa main et commençait à y faire le tour. Il a dit ce n'est pas de la sunna. Le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, écoutez bien ce qu'il a dit pour que vous ne mélangez pas les choses. Il a dit, mais ce n'est pas haram. Attention, il y a une différence quand on dit cette chose ce n'est pas sunna et quand on dit quelque chose c'est haram. Il a dit, ce n'est pas haram. Si quelqu'un me tend la main, je lui tends la main, ce n'est pas haram. Mais il a dit, ce n'est pas sunna, c'est tout. C'est ja'iz, c'est permis, ce n'est pas sunna. Il n'y a pas de contradiction entre une chose qui soit permise et qui en même temps ne soit pas de la sunna. Naam. Saddam, inshallah. Salam alaikum. Si quelqu'un a blessé un autre avec un couteau, sachant que les deux ont des couteaux et que la personne qui a blessé l'autre, il est fasiq. Il ne fait pas la prière, il boit de la coin et les deux sont. Si quelqu'un a blessé. Salam alaikum wa rahmatullah. Elle fait saute. Naam. Je ne sais pas où je me suis arrêté. Est-ce que vous m'avez entendu parler de Cheikh Ibn Uthaymeen la yahmou? Est-ce que vous m'avez entendu parler de Cheikh Ibn Uthaymeen la yahmou? Dites-moi cette chose. Oui. Non. Ah, chose. Allah, oui et non. Ibn Kathir dit oui, Ibn Hashmi dit non. Donc, que dit ici Sharia? Sharia ici dit que on prend de ce qu'a dit Ibn Kathir. Voilà, je sais pas. Chef, on prend ce qu'a dit Ibn Kathir. Parce qu'Ibn Kathir a ce qu'on appelle ziyadat ilm. Il a entendu une chose qu'elle n'a pas entendue. Voilà, ça. Imaginez que deux personnes disent sur une troisième personne. Non. Bon, Khalil en a dit, c'est pas très important. Je disais que. Non. Donc, Cheikh Othmane Lahmou a dit que ce n'est pas de la sunna de tendre la main quand on rencontre un groupe. C'est de la sunna de dire seulement salam alaikum. Mais si quelqu'un le fait, c'est permis, ce n'est pas interdit. Et, salam alaikum. Si quelqu'un a blessé un autre avec un couteau, sachant que les deux ont des couteaux, et la personne qui a blessé l'autre, il est fasiq, il ne fait pas la prière, il boit l'alcool, et les deux sont mal'ounim. Non, les deux qui ont joué avec les couteaux sont mal'ounim. Les deux ont sorti les couteaux et qui ont joué sont mal'ounim. Maintenant, s'ils voulaient se tuer, s'ils voulaient s'entretuer, les deux sont en enfer, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit qu'il est le mort, comme dans le hadith. Naam. Prochaine question, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Peut-on manger la viande de cheval dans le prophète? Naam. En islam, Ibn Ta'ala, on peut manger la viande de cheval. Le hadith, il est dans le Bukhari, hadith Asma, radiallahu ta'ala anha. On avait mangé la viande du cheval au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète alayhi wa sallam en ait mangé, ou qu'il n'en a pas mangé, ça ne change rien. Car elle a mangé, Esma et les Sahaba ont mangé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la règle dit que quand un haram, quelque chose d'illicite, se fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse pas dans l'erreur. Il descend un Coran pour leur montrer que c'est faux. Si la viande du cheval ne se mangeait pas, Allah ta'ala aurait fait descendre le Coran pour dire attention aux prophètes, attention, ils ont mangé la viande du cheval. C'est pour ça que Jabir ibn Abdullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que kunna na'zil ou Abu Sa'id, kunna na'zil ou le Coran yunzil. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit que ces deux sahaba ont dit que quand on faisait le rapport avec nos femmes, on jetait le liquide à l'extérieur. On jetait le liquide à l'extérieur et le Coran descendait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est permis. Non. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que si c'était interdit, le Coran qui descendait alors aurait montré cela. Puisque le Coran descendait, c'est-à-dire le prophète Hassan est vivant. Le Coran descendait, ça veut dire que le prophète est vivant. Puisque le prophète est vivant et que le Coran descend, et il n'a pas dit pourquoi vous jetez ce liquide à l'extérieur, ça veut dire que c'est permis. Naam. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar a dit, radiallahu ta'ala anhu, comme c'est dans le Bukhari aussi, il a dit, on voulait plaisanter avec nos femmes et yani, on voulait aller loin avec nos femmes en plaisantant, etc. Il a dit, mais On avait peur car le Coran descendait. Mais quand le prophète est mort, on a commencé à plaisanter avec nos femmes, etc. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que quoi? C'est que s'ils vont faire quelque chose qui est haram, le Coran va dire attention. Donc je reviens à la viande de cheval, elle se mange et elle est halal. Elle se mange et elle est halal, elle est même bonne pour la santé, mais il ne faut pas en manger beaucoup. Si on mange beaucoup, ils ont dit que ça devient une maladie. Non, il ne faut pas en prendre beaucoup. Ça se prend surtout pour celui qui est faible, pour une femme qui vient d'accoucher, pour quelqu'un qui a de l'anémie. Il n'y a pas comme la viande de cheval, mais il y a de l'anémie. Ça y est, Bent Hashmi, il n'y a pas de sang. Moulusque, est-ce qu'il y a le sang? Là, il dit qu'il y a Bent Hashmi. Je disais quoi? Je disais que ça se mangeait surtout pour quelqu'un qui est faible, ou quelqu'un qui a de l'anémie, ou une femme qui vient d'accoucher, etc. Non. Si quelqu'un va dire, mais Allah Ta'ala a dit dans le Coran, wal khayla, wal bighala, wal hamira li tarkabuha wazina. Si quelqu'un va nous dire, il y a un verset où Allah Ta'ala a dit, les chevaux, et les mules, et les âmes, pour que vous les montiez, et parure, c'est une parure. Il a dit, il n'a pas dit pour que vous les mangiez. Il a dit pour que vous les montiez, pour les monter et parure. Donc, comment tu dis-toi pour les manger? On lui dit, premièrement, si tu te suffisais seulement au verset, donc tu n'as pas aussi le droit de vendre le cheval. Pourquoi tu ne le vends pas? Parce que le verset n'a pas dit pour le vendre. Il a dit seulement pour le monter et pour parure. Il n'a pas cité le mot vendre. Donc, il est interdit que tu vendes le cheval. Or c'est faux. Et deuxièmement, on lui dit Allah Ta'ala, on l'adore en suivant le Coran et la Sunna, comme l'ont compris les salafs salah, et non pas en suivant seulement le Coran. Nous on suit le Coran et la Sunna. Pourquoi tu crois au Coran et tu ne crois pas au hadith que je viens de citer de Hafsa, de Asma radiallahu ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain sou'al inshallah. Non, je vais répondre dans une seconde. Je vais répondre, inshallah, donnez-moi seulement une minute. Non. Salam alaikum. Quel est le jugement au fait quand on vit en France et qu'on y meurt et qu'on se croit envoyé en Algérie pour qu'il soit enterré, sachant que la sunna est d'être enterré dans le pays où l'on meurt? Mais en France, on sera enterré avec des kuffars et on entendra leur supplice. Et également en France, même quand on meurt, on doit payer une cotisation pour rester enterré, sinon on nous déterre pour nous incinérer. Si c'est vraiment comme ça, comme l'a dit la personne, on doit faire deux choses. La première, c'est de faire le maximum pour ne pas mourir dans ce pays. Non, c'est de faire le maximum pour faire la hijra et ne pas mourir dans un pays où on incinère un corps ou l'ayadu billah. Non. Ici, c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe. On incinère des gens, etc. Donc, inshallah ta'ala, ça ne devient plus interdit d'être rapatrié vers son pays pour être enterré là-bas. Car on a des raisons, inshallah ta'ala, valable. Naam. On a la réponse, inshallah ta'ala. Mais il faut faire le maximum et se préparer dès maintenant pour ne pas mourir dans un pays de kufr. Naam. Sauf, comme j'ai dit, si on n'a pas pu faire la hijra et s'il y a un cimetière musulman où on nous laisse tranquille. Après la mort, il ne te laisse pas tranquille. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi la prochaine question? Salam alaikum. Voilà, j'ai appris que celui que je considérais comme mon père était en fait mon beau-père. Est-ce que ses soeurs et sa mère sont des maharim pour moi ou pas? Il doit obligatoirement le rendre visite, sachant qu'il y a la mixité qui me ment, qu'ils ont mal pris le fait qu'il ne voulait plus les toucher pour le salam de la prophète. Non. Hadi, il me faut un peu de temps pour la comprendre, la question. Non, j'ai appris que je suis considéré comme mon père sans être mon beau-père. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris cette question. Mon beau-père, ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père. X n'est pas mon père, mais mon beau-père. Voilà, je n'ai pas compris, franchement. Je sais que c'est simple, mais je n'ai pas pu la comprendre. Non, si quelqu'un peut me donner un exemple. Comment quelqu'un que je croyais mon père, ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père. Ah bah, c'est scientifique, c'est hors sujet. Voilà. Je la comprends pas, Yannick. Même si elle est hors sujet, m'a dit si elle a... elle était comprise. Yannick, ma mère, Yannick, s'est mariée avec quelqu'un. Ce quelqu'un, je croyais que c'était mon père. En fait, ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père. Comment il peut être mon beau-père? Mon beau-père, c'est qui? Mon beau-père, c'est le mari. La femme dit, c'est mon beau-père, ça veut dire que c'est le mari, le père de pardon, c'est le père de son mari. Non. Une femme dit, celui-là, c'est mon beau-père, ça veut dire que c'est le père de mon mari. Sa mère s'est remariée avec un homme. Ah, le beau-père, hein? Je savais pas qu'il s'appelait le beau-père. Son vrai, qui n'est pas son vrai. D'accord, moi je pose d'abord, alors je vais poser cette question, hein. Je pose cette question, vous allez me dire si c'est oui ou pas, parce que c'est la première fois que j'apprends cela. Est-ce que si ma mère va se marier avec un autre homme, après que mon père meure ou là la divorce, la qaddara Allah, est-ce que cet homme qui va se marier avec ma mère, est-ce que vous l'appelez ou là il s'appelle le beau-père? Voilà la question. Est-ce que vous l'appelez le beau-père? Ah oui, c'est ça. Waqul Rabbi zidni ilma. C'est la première fois dans ma vie que j'apprends cela. Waqul Rabbi zidni ilma. Moi, je sais que le beau-père, c'est qui? C'est une femme dit, celui-là, c'est mon beau-père. Ça veut dire, c'est le père de mon mari. C'est le beau-père. Maintenant, quand sa mère se marie, ça s'appelle le beau-père. Wallah, il a je ne le savais pas. Et merci de m'avoir appris cette chose. Celui-là, quand il se marie avec ma mère, donc revenons à la question. Oui, j'ai appris celui qui est mon beau-père. C'est mon beau-père, ça. Est-ce que ses soeurs et sa mère sont des maharim? Donc celui qui parle, c'est un homme. Celui qui parle, c'est un homme. Il dit, est-ce que ses soeurs et sa mère sont des maharim pour moi ou pas? Ils ne sont pas des maharim. Non? Ses soeurs et sa mère ne sont pas des maharim pour toi. Non, ses sœurs, tu peux te marier avec ses sœurs. Pire que cela, tu peux te marier avec ses filles. Non, pas seulement avec ses sœurs. Tu peux te marier avec ses filles aussi, s'il a des filles. Je donne un exemple. Ma mère va se marier avec quelqu'un. Si quelqu'un a une fille, lui il se marie avec ma mère, et moi je me marie avec sa fille. Non. Donc, Inch'Allah ta'ala, tu n'as pas le droit de les toucher, ni qu'ils te touchent, ni de le faire la, ni les embrasser, ni qu'ils t'embrassent. Non. Dois-je obligatoirement leur rendre visite, sachant qu'ils ont m'excité, qu'ils ont mal pris, le fait que je ne voulais plus les toucher, etc. Non. Si tu sais qu'ils ne veulent pas que tu ailles chez eux, etc., tu n'y vas que dans les occasions. Non. Tu n'y vas que dans les occasions. Et les autres jours, c'est par téléphone ou là, yani que leur envoie le salam, etc. Non. Si maintenant tu as peur que si tu vas là-bas, ils vont t'embrasser, etc. Non. Mais ne coupe pas les liens. Laisse toujours un lien avec eux, yani, en téléphonant, en envoyant le salam, etc. Salam alaykoum. Est-ce que si on aime très peu de personnes en Allah, on fera partie des personnes qui seront tous en Allah? Non. On peut faire partie de ceux qui seront sous l'ombre, même si on n'aime qu'une seule personne. L'essentiel, ce n'est pas la quantité, mais c'est la sincérité du Ezendah. L'essentiel, ce n'est pas la quantité du Ezendah, mais c'est quoi? C'est la sincérité. Tu peux aimer une seule personne en Allah avec toute la sincérité. Et Inch'Allah, tu seras sous l'ombre de Ibn Azzawajal. La habba kalladi, la habba. Mais attention, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il a dit cette personne? Uhibbuka fillah. Attention, tu m'as dit Uhibbuka fillah. Attention. Demain, je vais t'envoyer, je vais te dire, donne-moi le numéro de ton compte. Je vais voir combien tu as d'argent, et je vais prendre ça, et je vais voir si il y a toujours Uhibbuka fillah, ou bien tu vas au tribunal déposer quelque chose contre moi. Tu vas déposer plainte au tribunal. Attention, tu m'as dit Uhibbuka fillah. C'est grave, hein. Tout ce que tu as, il m'appartient, on est là, ça, attention, hein. Tu m'envoies après le numéro de compte, hein. Numéro de compte, je vais prendre l'argent, Inch'Allah ta'ala, parce que, même Allah et justement Allah. Tfadl inchallah, prochain sou'al. Mollusque est bloqué. Il demande de le débloquer, inchallah. Naam, inchallah ta'ala, il doit faire des recherches d'abord pour les trouver. Pour le trouver. Naam. Il doit faire des recherches, inchallah ta'ala, pour le trouver. Ah, s'il y avait des numéros. Il y avait des numéros dans le passeport pour chacun qui rentre, il a un numéro. Et je le cherche. Et Mimouna Moulis, subhanallah. Mimouna Moulis, non. Je le vois maintenant. Faites-le, Inch'Allah, prochain question. Comment est-ce que l'on fait des doigts pour les morts? Et à quel moment doit-on faire des doigts pendant la prière? Si je prie avec une personne, je fais doigts à ce moment, dois-je m'arrêter? Barakallahu. Comment est-ce qu'on fait des doigts pour les morts? Et à quel moment? On fait des doigts pour les morts à tous les moments. Par exemple, maintenant, je me rappelle de mon père ou de mon grand-père qui est mort, je peux dès maintenant faire des doigts. Je lève mes mains, je dis à Allah, Allah, il Naam, en tout temps. Et on fait spécialement quand on fait la prière du mort. Quand on fait la prière du mort, hein, on fait les quatre takbirat. Dans la quatrième, on fait des doigts. Même dans la troisième. Car dans la première, on dit Fatiha. Dans la deuxième, on fait la salat sur le prophète. Dans la troisième, on fait des doigts aux morts. Dans la quatrième, aux morts et aux autres croyants, et à nous-mêmes. Naam. Et on peut faire un doua quand on passe devant un cimetière, ou là on va dans un cimetière. Naam. Salamu alaikum ahdiya min mu'minin muslimin. Yarhamullahu al-mustaqdimin aminkum mustakhirin wa inna insha'allahu bikum lahikun. Dans un autre hadith, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Naam. Et si je prie avec une personne, mes doigts sont longs, dois-je m'arrêter? Naam, tu dois t'arrêter. Quand tu pries avec une personne, dès que la personne lève sa tête de la prosternation, tu dois lever la tête. Innama ju'ila al-imamu li'utamma bih. Dès qu'il lève la tête, tu lèves. Tu n'as pas le droit de rester prosterné en disant que je suis en train de faire les doigts. Non. Tu arrêtes tes doigts et tu fais quoi? Et tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que innama ju'ila al-imamu li'utamma bih. Idha raka'a fi qawdi sajada. Naam. Et il a rafa'a, quand il lève, vous levez aussi votre tête. Naam. Tfaddal, inshallah ta'ala, pour la prochaine question. J'attends, inshallah ta'ala. Attends. Et 8 secondes. 8 secondes, inshallah, je suis en train de... Je vais régler quelque chose dans la salle, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Voilà. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Une seconde, je suis en train de régler quelque chose dans la salle. Voilà. Ça y est. Il faudrait montrer où est la personne. Je n'ai pas trouvé. Pas trouvé dans la salle la personne. Non, je n'ai pas trouvé la personne dans la salle. Je ne vois pas où est cette personne. Non. Pour que c'est la fille, je n'ai pas trouvé la personne. Ça y est, Ibn Kathir. Que doit faire une personne qui a juré par là de ne plus aller chez une personne? Mais au bout de quelque temps, elle y est allée. Comment doit-elle réparer cela? Alors vous avez répondu que c'est à celui qui est éternel pendant sa vaste et qui dit soi-même qu'on était pour celui qui est éternel pendant toute notre joie, sachant qu'on n'a pas à parler. Naam. Je commence par quelqu'un qui a juré de ne pas aller chez une personne. Mais au bout de quelque temps, elle y va. En principe, en général, règle générale, si elle y va, elle doit faire nourrir 10 pauvres. Elle doit faire nourrir 10 pauvres pour être allée à cette personne. Sauf, c'est quoi? Sauf, je dis bien maintenant, regardez cette chose. Sauf, si j'ai dit par exemple, je ne vais plus aller chez X. Wallah, je ne vais plus aller chez X. Mais par exemple, c'est quoi? Ça s'appelle Bessat. Ça s'appelle Bessat. Yani, moi, je me suis basé pour jurer de ne pas aller chez cette personne. Je me suis basé sur quoi? C'est-à-dire, pourquoi j'ai juré? Par exemple, j'ai juré de ne pas aller chez elle, par exemple, parce que elle a la musique tout le temps. C'est un exemple. Et maintenant, j'ai appris que elle ne met plus la musique. Maintenant, je peux aller sans nourrir des porcs. Pourquoi? Parce que la chose à cause de laquelle j'ai juré n'existe plus. C'est comme si je dis par exemple, Wallah, je vais jurer par Allah que je ne vais pas par exemple aller dans la maison de X. Pourquoi? Quelle est la chose qui m'a posé? Parce que dans la maison de X, il y a par exemple une personne qui est mauvaise ou là, qui abuse de moi ou là, je ne sais pas quoi. Ensuite, cette personne est morte. Alors que j'avais juré de ne pas aller dans cette maison. Maintenant, je vais dans cette maison. Pourquoi? Parce que j'ai juré à cause d'une chose et cette chose n'existe plus. Non. Pour voir donc pourquoi jurer cette personne ne pas aller chez l'autre personne. Si c'est à cause d'elle-même seulement, elle y va, elle nourrit 10 pauvres. Mais si c'est à cause d'une chose qui n'est plus, elle peut aller sans nourrir. Inch'Allah ta'ala. Non. Celui qui est éternu pendant salat du mois, pendant la khutbah du mois, non, celui qui est éternu pendant la khutbah du mois, il ne doit le faire qu'à lui-même. Il n'a pas le droit de lever quoi? De lever la voix. Sauf si c'est qui? Sauf si c'est l'imam lui-même. L'imam qui fait la khutbah a éternué et il a dit quoi? Il a dit Alhamdulillah. Alors tous ceux qui sont assis doivent lui dire Yarhamukallah. Non, tous ceux qui sont assis doivent lui dire Alhamdulillah. Parce qu'avec l'imam, les choses sont permises qui ne sont pas permises avec les autres gens. Non, quand quelqu'un est rentré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans plein khutbah, il lui a dit Ya Rasulallah, il n'y a pas la pluie, les bestiaux vont mourir, etc. etc. Il n'y a pas d'herbe, etc. Fais-nous un doigt pour faire tomber la pluie. Donc, on peut parler avec l'imam, mais on ne peut pas parler avec les gens qui sont autour de nous, sauf si c'est une obligation. Si on sait par exemple que quelqu'un va tomber par exemple de la terrasse ou là, on parle même si c'est dans la jumoie, parce que c'est quelque chose de grave. On va dire attention, tu vas tomber ou là, quelque chose de grave. Non. Sinon, on ne peut pas parler. C'est quoi encore les questions? Je ne comprends pas le terme maudire. Est-ce qu'il y a le sens? Non. Est-ce qu'il y a le son? Non. Est-ce que vous m'entendez? Non. Et la question c'est, je ne comprends pas le terme maudire. En effet, je voudrais savoir qu'est-ce que cela entraînera dans l'au-delà. Ah, non. Maudire, c'est grave. Non. Quand quelqu'un est maudit, cela veut dire qu'il est éloigné de la miséricorde d'Allah. Voilà ce que ça veut dire maudire. Quelqu'un matroud min rahmatillah. Très grave. Quelqu'un qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Subhanallah, ça veut dire que c'est possible qu'il lui pardonne pas. Non, il est éloigné de la miséricorde. Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Y a-t-il une preuve interdisant le fait de ne pas faire le repas de la walima après les 3 jours de consommation? Il n'y a pas. Non. Certains sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ont fait pendant 7 jours. Non. Certains salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ont fait après 7 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la plupart du temps, il faisait la walima après la consommation. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la consommation, ensuite il faisait la walima. Naam. Naam. Les frères et sœurs, n'abusons pas. Inch'Allah. Jazakillahu khairan. Moi aussi, je ne vais pas tarder, je vais. Inch'Allah, je vais quitter. Naam. Je ne vais pas tarder, Inch'Allah, je vais quitter. C'est quoi, Inch'Allah, la prochaine question? Comme l'a dit, quand dans ma salah, je baille beaucoup. Des fois, j'arrive à les bloquer, d'autres fois, non. Moi, je recommence la récitation de ma sourate pour continuer. Est-il permis de mettre ma main devant la bouche par le Naam, il est permis de mettre la main dans la bouche, même dans la salat. Il est même recommandé de la mettre. Car le hadith a dit qu'il fallait mettre la main pour empêcher le shaitan de rentrer. Naam, il fallait mettre la main. Et si quelqu'un baille beaucoup dans la salat, il ne recommence pas la salat. Mais il doit yani, faire des choses comme ça pour éloigner le shaitan de lui. Naam, il doit faire des choses pour éloigner le shaitan de lui et pour lire avec une certaine yani, une certaine yani, je ne sais pas comment on dit yani, il ne faut pas lire comme ça tout en étant fatigué yani, on dit avec une certaine ce qu'on appelle ambiance ou une certaine nashat avec un certain nashat bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. J'ai entendu dire wallahu a'lam, je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'ai entendu dire, hein, ça reste, Inch'Allah ta'ala, sérénité. Naam. J'ai entendu dire, Wallahu ta'ala alam, que si on baille beaucoup, il y a des personnes qui baillent beaucoup, beaucoup, beaucoup, du matin au soir. J'ai entendu dire que ça pouvait être l'effet du mauvais œil. Naam. Que celui qui a le mauvais œil, ils ont dit que l'un de ces signes, j'ai lu ça beaucoup dans beaucoup de livres, que l'un des signes du mauvais œil, c'est de bailler beaucoup sans raison. Sans raison. Il n'arrête pas de bailler. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Faddal, Inch'Allah. Il n'y a pas de question, Inch'Allah. Ibn Kathir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais jeûner un jour sur deux, mais je ne sais pas comment faire pour être le plus discret, car j'ai peur comment je sois. J'ai peur comment je sois sur ce but interne. Les gens. Comment faire pour le faire plus discrètement? C'est surtout par rapport à ma famille. En fait, ce que je veux dire, c'est que désolé, je dois laisser l'ordinateur. C'est chez moi, mon frère. Je vais donner mes questions à toi. Non. Le mollusque, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas la fin de donner les questions parce que je vais terminer. Laisse Inch'Allah ta'ala pour la prochaine fois. Non. Inch'Allah ta'ala, laisse les questions pour la prochaine fois. C'est-à-dire, j'ai peur que ça devienne un sujet pour les gens se trouvant autour de moi. Comment faire? Monsieur Erifillah, frère par Allah, me donne quelques conseils pratiques. Tu as cité un hadith, le prophète a dit que la Geneza, le mort, entendait même le pas. Y a-t-il un mal à ce qu'on vienne le soutenir quand il est dans son cercueil? Il faut que je comprenne la dernière phrase. Y a-t-il un mal à ce qu'on vienne le soutenir quand il est dans son cercueil? Qu'est-ce que ça veut dire soutenir le mort? Et comment qu'on le soutient? Qu'est-ce que tu veux dire par soutenir le mort dans le cercueil? C'est-à-dire lui faire des douas ou là quoi? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire soutenir. C'est-à-dire lui parler au mort? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui parle au mort. Je ne crois pas qu'il veut dire cela. Allahu a'lam. C'est pour ça que je voudrais savoir qu'est-ce qu'il veut dire par soutenir le mort. Al-Mu'im. Peut-être qu'il va nous l'écrire. Nous, on commence, Allah Ta'ala, par répondre à la première question. Sauf quelqu'un qui fait, il m'a dit lui parler, en PV. Il parle avec le mort en PV, hein. Ou là, il t'a dit ça en PV. Non. Il t'a dit ça en PV, ou là, il t'a dit, je vais parler avec le mort en PV. Non. Non. D'accord. Non. Je croyais que j'allais parler en PV, c'est étonnant. Le mohim. Chauffe Akhi Karim. Pour ce qui est de jeûner un jour et manger un jour, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur jeûne. C'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il mangeait un jour et faisais le jeûne un jour. C'est Masha'Allah pour celui qui peut faire cela. Mais je voudrais te dire une chose très très importante. Ce n'est pas pour te faiblir, mais pour te mettre en face de la réalité. Tu sais, ce n'est pas bien en islam si tu commences une chose et tu ne la continues pas. En islam, il faut commencer une chose, même si elle est petite, et la faire durer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il commençait une chose, il ne la laissait jamais jusqu'à la mort. Alors toi, il faut être sûr que tu vas pouvoir jeûner un jour et manger un jour jusqu'à ta mort. C'est-à-dire, si tu vas vivre 60 ans, tu vas faire 60 ans. Alors j'ai peur que tu ne le fasses pas. J'ai peur qu'un jour, tu dises je ne peux pas. Comme a dit un sahabi Jalil, radiallahu ta'ala anhu, il faisait un jeûne pareil, et quand c'était la fin de sa vie, il a dit, ah, si j'avais pris de la permission, ça aurait été mieux. Maintenant, yani, ça m'est très difficile de jeûner. Comment je vais faire? C'est très difficile. Donc toi, regarde, si tu es sûr que tu peux tenir comme ça le coup, 20, 30, 40, 50 ans jusqu'à mourir, demain, inshallah, tawakkal Allah. Mais si tu as peur de le laisser un jour et de ne pas le faire, ce n'est pas bien. C'est pour ça que si tu as peur, je te conseille quelque chose qui n'est pas moins bien que cette chose. C'est de quoi? C'est de jeûner 3 jours de chaque mois. Le 13, 14, 15 de chaque mois arabe. Si cela seulement, tu peux le faire jusqu'à mourir, c'est déjà, masha'Allah, 3 fois par mois, Allah Ta'ala, quand tu fais 3 fois, il va t'écrire 30 jours. Donc, c'est comme si tu avais fait tout le quoi, toute l'année. Et, n'oublie pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adore Allah plus que nous et mieux que nous. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait le jeûne de Daoud, subhanallah al-Azim. Lui, qu'est-ce qu'il jeûnait? Il jeûnait lundi, jeudi, ou bien il jeûnait les 3 jours. Donc toi, si tu peux jeûner seulement 3 jours par mois, 13, 14, 15, ou bien ajouter lundi, jeudi, c'est déjà, masha'Allah, qui peut être mieux que toi. Wa khairul hadi ki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, le prophète avait aussi une autre sunnah. Des fois, il jeûnait jusqu'à ce que les gens disaient il ne va plus manger. Et des fois, il mangeait jusqu'à ce que les gens disaient il ne va plus jeûner. Des fois, il commençait à jeûner, à suivre. Une semaine, deux, 20 jours, 25, 26, jusqu'à 73, il ne va plus s'arrêter suivre. Ensuite, il arrête. Si tu commences à manger tous les jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, sans faire le jeûne, 20 jours, 25 jours, jusqu'à dire là, il ne va plus jeûner. Ensuite, c'est le contraire, il commence à jeûner, et comme ça. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, yani, c'est d'après inshallah ta'ala ta foi et d'après ta capacité et tout ce que tu fais inshallah pour Allah, tu auras des récompenses bi'idhnillah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Quant à la khutbah, quant au mort, quand il est dans le cercueil, il n'y a aucun dalil qui dit que si tu vas parler, il va t'entendre. Non, il n'y a aucun dalil qui dit que si tu vas parler, il va t'entendre. Mais tu veux la sunna, tu lui fais les doigts. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله تعالى a dit tu ne peux pas faire écouter ceux qui sont dans les tombes. Il a dit aussi إنك لا تسمع الموتى. Il a dit tu ne peux pas faire entendre ou écouter les morts. Donc au lieu de parler à un mort, on lui fait des doigts, c'est mieux. On dit ya Allah ثبته, ya Allah زد في حسناته, ya Allah تجاوز عن سيئاته, ya Allah قي عذاب نارك, ya Allah, adkhilu jannatak, ya Allah. Et comme ça, c'est mieux, inshallah. Ta'ala. Faudra, inshallah, prochaine question. Et inshallah, ta'ala, les deux ou trois dernières questions. Faudra, inshallah, les deux ou trois dernières questions. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai lu dans un livre qu'on a dit, alhamdulillah, lorsqu'on éternue, car quand Allah a insufflé l'âme à Adam a.s., il a éternué. C'est vrai, c'est un hadith sahih. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé à Adam l'âme, Hein? Il a commencé par en haut, par sa tête, et l'âme a commencé à descendre. Quand l'âme est arrivée au nez, Adam alayhi salam a éternué. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui a dit, Yarhamouk Allah. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala qui répond à quelqu'un, il lui dit, Yarhamouk Allah. Quand Adam alayhi salam a dit, Alhamdulillah. Subhanallah, Allah, imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah te dise, Yarhamouk Allah. Subhanallah, le fadl de Adam alayhi salam, notre père. Le fadl de Adam, notre père. Naam. La deuxième question, inshallah, et l'avant-dernière. Est-ce que Allah Ta'ala nous restera dans l'état où la mort nous a trouvés? Naam, c'est comme ça. On te résistera d'après comment tu es mort. Naam, comme tu seras mort, tu seras envoyé. Si quelqu'un meurt avec une cigarette, de la drogue, entre ses doigts, il va être ressuscité avec la cigarette entre ses doigts. Celui qui meurt dans la zina, il va se ressusciter avec la femme dans la zina. Celui qui meurt dans un cabaret, dans le cabaret, et comme ça. Et on ressuscite aussi avec les habits, les mêmes habits avec lesquels on est mort, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Il a dit, Tub'asun bi bil athwab alladhina lati muttum biha, ou quelque chose comme ça. Il a dit, vous allez être ressuscité avec les habits dans lesquels vous êtes mort. Naam. Inch'Allah, tfad dans la dernière question. Salam alaikum. Je voyage tous les jours pour mon travail. Ai-je le droit de faire la prière assis dans ma voiture lorsqu'il pleut, qu'il neige ou que la température est autour de 0 degré et que le sol est humide? Naam. Pour quelqu'un qui voyage, il peut quoi? Il peut, Inch'Allah ta'ala, s'il sait que c'est difficile pour lui de s'arrêter à chaque fois pour faire la prière, il peut joindre entre les deux prières, entre le Dhuhr et l'Asr, et le Maghrib et l'Isha. Naam. Et il peut aussi yani, faire des calculs pour s'arrêter dans des endroits où il y a des mosquées. Quand c'est un pays musulman, bien sûr. Il s'arrête dans des endroits où il y a les mosquées. Quand maintenant il sait que il va s'arrêter dans un endroit où il peut pas. C'est pour ça que je dis que il faut aussi qu'il fasse les calculs pour prendre avec lui une chose sur laquelle un tapis là sur lequel il va faire quoi? Il va faire sa prière. Il faut qu'il fasse cela dans ses calculs. Il a toujours dans sa main quelque chose, yani, qu'il va mettre sur le sol faire la prière. Naam. Il a des le sol est humide. Naam. Si quelqu'un sait que qu'il peut pas faire la prière dehors, au lieu de laisser passer la prière, il l'a fait assez. Naam. S'il sait qu'il n'y a pas dehors, comment la faire? Il n'y a pas. C'est la mosquée. Il n'y a pas où faire la prière. Il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas. Naam. Ou bien il laisse pour joindre. Il va joindre dans l'endroit où il va arriver, c'est mieux. Il joint, il dit je laisse quand j'arrive à la maison ou là quand j'arrive à la ville où je vais aller, là-bas, dans une maison, là, je ne sais pas où, je vais joindre entre les deux salates. Mais s'il sait que, je dis bien, s'il sait que, il n'a aucune solution, c'est-à-dire, ou bien ne pas faire du tout la salate, ou bien la faire assis. Il la fait assis mieux que de ne pas faire la salate. Non, quand il a des excuses. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, après demain, mercredi, pour continuer la salat. Mercredi, Inch'Allah, on va commencer par quoi? Par comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait les mains pour la salat. On va commencer de takbira, Allahu Akbar, et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc., etc. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit avec nous, qu'il nous raffermisse, qu'il raffermisse nos cœurs, qu'il ajoute, qu'il nous donne de la science, parce qu'on est des ignorants, qui nous apprennent le dîn, qui nous le fassent comprendre, comme Salaf Salah radiallahu ta'ala anhum, qui nous fasse aimer sa religion, qui nous fasse aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fasse aimer entre nous, qui nous fasse aimer entre nous aussi, naam, qu'il joigne nos cœurs en son visage, subhanahu wa ta'ala, et qui nous préserve de tout mal, qui nous préserve des shayatines, qui nous préserve des shayatines, des vrais et des faux shayatines, des shayatines des êtres humains aussi, qui nous préserve des shayatines des êtres humains aussi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous ouvre ses portes et qu'il vous rende, inshallah ta'ala, des hommes et des femmes de science, qui vous donne des enfants de science, mashallah, qui les fasse apprendre le Coran et que il vous guérisse, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse nos malades et qu'il nous aide pour payer nos dettes, et qui nous aide pour faire la hijra, et qui nous aide pour se marier, et qui nous aide pour avoir des enfants pieux, et qu'il nous donne de l'iman, et qu'il nous descende la sérénité dans notre cœur. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon pour Abu Bakr Benti Fazia Kharyas Riyad, auquel j'ai pas répondu, pardon, parce que il y avait beaucoup d'autres questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.